Bonsoir et bienvenue dans Grand Prix. Comme d'habitude, on se retrouve un mardi après une course de Formule 1 pour débriefer le Grand Prix d'Imola qui a eu lieu ce week-end en Émilie-Romagne. Enfin, c'était le Grand Prix d'Émilie-Romagne en l'occurrence qui a eu lieu à Imola. Donc forcément, on va revenir sur la victoire de Max Verstappen, le podium de Lando Norris qui a terminé à 7 dixièmes de Verstappen et de Charles Leclerc qui a terminé 3e. Avec un petit air de fin de règne, on va dire, pour Red Bull, avec beaucoup de difficultés à garder les concurrents derrière. Donc on va revenir, comme d'habitude, sur chaque équipe, ce qui a été fait par les 10 équipes, ce qui se passe aussi en coulisses pour chacune, parce que c'est vrai que ça continue de bouger. On est trois ce soir pour revenir sur ce Grand Prix d'Imola, avec Alex. Salut Alex, ça va ? Salut, ça va ? Eh bien, j'ai déjà plus parlé que l'écart entre Norris et Verstappen à la fin. Un Grand Prix à suspense qui nous a rappelé des souvenirs d'il y a 20 ans. C'est vrai, tout à fait, ça rappelle un petit peu Imola, Imola 2005-2006 pour ceux qui s'en souviennent. Et on a aussi Franck avec nous, ça va Franck ? Bonsoir tout le monde, bah écoutez, ça va très bien, et effectivement, bon, c'est encore Max Verstappen qui gagne, mais effectivement, ce Grand Prix a quand même une saveur bien différente, surtout après Miami. Voilà, je pense qu'on est enfin parti sur ce qu'on attendait tous, des choses beaucoup plus disputées. Ouais, tout à fait, c'est vrai que là, on a eu vraiment... un classement serré, ça fait deux Grands Prix de suite que les équipes se disputent, enfin que trois équipes se disputent la victoire, ou en tout cas vraiment le podium, et avec des rythmes de course qui sont très très proches. Des rythmes de course qui ont été situés par Fred Vasseur à un dixième entre chacune des trois équipes. Verstappen a pris de l'avance au premier relais pour ensuite se faire attraper par Norris. Alors, on va déjà faire un petit point. On voulait commencer par le circuit parce que le circuit a eu une petite métamorphose avant le Grand Prix avec l'ajout de quelques bacs à gravier, avec le changement de vibreur et avec finalement un côté encore plus à l'ancienne qu'avant. Alors, qui n'a pas plu parce que forcément les dépassements sont plus compliqués avec une piste très étroite et aucun passage hors piste pour les pilotes qui aiment faire ça. Mais par contre, c'est vrai que chaque erreur ou presque a été sanctionnée pour les pilotes directement. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux déjà. Franck, qu'est-ce que tu as pensé de ce changement sur Imola ? Est-ce que c'est pour le bien, pour le mal ? Est-ce que le circuit va plutôt en tirer des bénéfices ? Ou est-ce que c'est un risque pour lui, justement, parce que malgré tout, le spectacle n'est pas non plus énorme en piste ? Alors, du côté des bacs à gravier, franchement, 100% d'accord avec ce qui s'est passé. Vu que la F1 est extrêmement fiable, que les pilotes aujourd'hui sont d'un niveau extrêmement élevé, voilà, il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions pour qu'une petite erreur soit moins punie, si ce n'est pas par la fiabilité ou par une erreur d'un pilote qui irait juste un petit peu trop loin sur le hors-piste. Ben, au moins, les bacs à gravier, ça permet effectivement de sanctionner un petit peu les pilotes et les équipes. Donc, moi, je suis absolument pour, du moment qu'on n'est pas sur un problème de sécurité, et c'est absolument pas le cas. Imola, bon, on sait que Imola joue un peu son avenir, on en parlera juste après les bacs à gravier, mais comme tu dis, le principal souci c'est les dépassements. On comprend d'ailleurs pas trop pourquoi la FIA a réduit la zone DRS cette année, quand on sait que c'est déjà extrêmement difficile. Voilà, là, peut-être un petit peu ce souci-là qui aurait pu être évité, à mon avis, pour la course, en la rallongeant un petit peu. Maintenant, je reste toujours d'avis, on avait discuté un petit peu, c'est qu'il y a largement la place pour rendre ce premier virage beaucoup plus large et serré, afin qu'on puisse aller tenter un freinage, et effectivement passer. Parce que là, avec un virage aussi, en fait, les deux premiers virages, en fait, ce qui était l'ancien Tamburello, là où c'est malheureusement crashé Senna il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Certes, il y a une rivière sur la droite et on ne peut pas faire beaucoup plus de choses sur la droite, mais sur la gauche, il y a moyen de faire des choses. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi, vu que c'est à peu près la seule zone où on peut dépasser, soit on prolonge effectivement encore un petit peu la ligne droite, on fait derrière quelque chose de plus large pour le freinage et une succession, un vrai pif-paf, un peu à la Abu Dhabi sur du 90 degrés. Enfin voilà, il y a quelque chose à faire, à mon avis, pour... pas très cher, je relativise toujours beaucoup, mais en termes de modification, ce serait pas des coûts insurmontables. Donc si Imola veut garder sa place au calendrier, parce qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui, en 2026, on sait déjà notamment qu'il y aura normalement une épreuve en 2026, car Imola a gardé une édition par rapport aux inondations de l'an dernier. Mais si Imola veut conserver son Grand Prix plus loin, et les Grands Prix européens commencent à se compter sur les doigts d'une main, de deux mains, on va dire, eh bien, il en faudra certainement plus pour le spectacle, effectivement. Donc voilà, moi, c'est mon seul bémol par rapport au circuit. Sinon, effectivement, j'ai très, très bien apprécié toujours ces vibreurs ou les voitures d'école. Franchement, c'est toujours un spectacle super, super intéressant. Il y a les rails à Monaco, il y a les vibreurs d'Imola. J'étais très content de retrouver ça et ça fait à chaque fois de superbes images. Non, c'est bien, ça met un peu les pilotes au défi, donc rien à dire là-dessus. Ah, c'est vrai qu'on on en parlait ce week-end, on disait que ce serait pas mal peut-être potentiellement, vu que la ligne droite a une petite courbe à la fin, de faire quelque chose qui s'élargit un peu façon Austin, avec un virage peut-être plus serré ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des pistes pour eux, je pense, pour l'avenir quand même, pour faire mieux. Je sais pas toi, Alex, ce que tu en as pensé du coup de ce spectacle ce week-end. Ça rappelle un débat que les pilotes ont eu même ce week-end. On les a interrogés justement sur les circuits old school et l'équilibre qui a été trouvé entre les circuits old school et les nouveaux circuits, etc., Las Vegas, etc. Et les pilotes, tout en disant, notamment Bottas ou Magnussen, qu'ils adoraient ces circuits old school du type Imola, ils reconnaissaient aussi que pour rester au calendrier, il fallait aussi avoir un bon spectacle le dimanche. Et le problème de ces circuits, peut-être, old school, etc., à l'ancienne, c'est que c'est très bien, c'est magnifique en qualification, mais c'est très difficile pour dépasser. C'est Imola, c'est Suzuka aussi, etc., etc. Et le problème, c'est que pour maintenant, vu la compétition qu'il y a pour être au calendrier, il faut avoir deux choses, à la fois un bon circuit et deuxièmement dépasser. Et Imola n'a qu'un des deux. Et donc c'est ça le problème. C'est pour ça aussi, non seulement parce que c'est le deuxième circuit italien, mais même sans cela, c'est pour ça aussi, c'est ce qui pourrait menacer aussi leur place au calendrier. Et c'est aussi compréhensible. On fait des circuits d'abord pour les dimanches et pas forcément pour les samedis, Monaco étant une exception historique. Donc pour moi, je pense qu'à Quentin, effectivement, il me l'aide à trouver les solutions pour favoriser les dépassements. Hein. Est-ce que ça sera possible sans dénaturer le circuit? C'est un équilibre qui est toujours très précaire, mais qui est pourtant très nécessaire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu toujours le débat, les pistes à l'ancienne, et même Monaco n'est pas totalement safe au calendrier, parce que clairement ça avait été dit par la F1 que malgré tout le manque de dépassement dans le dimanche était un problème, et même les équipes prévoient immédiatement, enfin là on fait des previews sur NextGen depuis début de semaine jusqu'à demain, les équipes prévoient pas de dépassement dimanche, et si tout va jouer sur les qualifs, le but en dimanche sera juste d'avoir une voiture qui ne dégrade pas les pneus, ce qui est pas très difficile à Monaco, et qui reste entre les rails, quoi, c'est toujours un peu le souci. Maintenant, c'est vrai que ça amène vite fait à un autre sujet qui est la suite du calendrier, puisqu'on a vu qu'il y avait le premier ministre de la Thaïlande qui était présent à Imola ce week-end. Lui veut un Grand Prix. Alors là, pour le coup, ce serait un Grand Prix urbain à nouveau, mais on imagine que ce serait un Grand Prix urbain dans les standards modernes des circuits urbains, puisqu'il y aurait sûrement une piste beaucoup plus large avec un circuit prévu avec des virages à angle droit, des gros freinages, qui serait en plein cœur de Bangkok. En tout cas, c'est la piste privilégiée actuellement plutôt que la construction d'un circuit. Est-ce que les circuits ont vraiment... Enfin, déjà, est-ce qu'on va continuer cette tendance des circuits urbains? On sait que là, même en Europe, Madrid aura un circuit urbain en Espagne à partir de 2026. Donc, est-ce qu'il faut craindre encore un Grand Prix de plus urbain et peut-être de nuit de nouveau? Et est-ce que le Grand Prix de Thaïlande semble bien parti, Franck? Le Red Bull Grand Prix de Thaïlande, tu veux dire? Peut-être. On raccroche un peu les wagons par rapport à ce qu'on disait il y a quelques semaines, hein, puisque on parlait effectivement du projet de Red Bull de ramener un petit peu la F1 vers son domicile d'origine, on va dire, donc il y a la Thaïlande. Alors moi, pour la Thaïlande, j'ai pas tout à fait entendu la même chose que toi. Il y a un circuit urbain, mais il y aurait quand même des parties un peu créées spécifiquement pour la Formule 1, un peu comme à Madrid d'ailleurs. Madrid, en fait, c'est un circuit semi-urbain aussi, donc il y a un peu comme à Hanoï, aussi. Où tout est à l'abandon maintenant. c'est vraiment dommage, parce que bon, ça aurait été un super circuit sur lequel on aurait aimé voir la F1, parce que franchement, c'était impressionnant. Donc effectivement, même sur les circuits totalement urbains, on sent que Liberty Media et la F1 ont commencé en train de mettre la pression sur le fait que oui, être en termes d'accessibilité, en termes de public, d'être en ville, c'est toujours beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile aussi pour tout ce qui est aussi hôtellerie, restauration et compagnie. Mais du full urbain, ça marche plus trop. Donc il y a que à Bakou, effectivement, où on a des rues qui sont extrêmement larges, où on peut effectivement avoir du 100% urbain. Mais voilà, mais Madrid a remporté son appel d'offres, je pense, c'est parce que voilà, il y avait un peu le concept des deux. Et je pense qu'en Thaïlande, Voilà, donc on sait très bien, à mon avis, derrière, qui derrière tout ça, c'est vraiment Red Bull, hein, qui cherche à avoir son Grand Prix là-bas. Alors, on misait il n'y a pas très longtemps sur un petit trio Grand Prix de Thaïlande, Red Bull, avec Alex Albon dans une Red Bull. Bon, on a déjà un paramètre qui saute, c'est Alex Albon dans une Red Bull, c'est pas pour tout de suite. On en parlera en fin d'émission. Mais voilà, c'est autant de Grand Prix qui font beaucoup de pression sur les Grand Prix européens. Donc, on sait qu'Imola, pour garder sa place, il faut absolument qu'il se modernise. Monza, ça commence tout juste et ils veulent un contrat de 10 ans, c'est ce que le président de la SCI a dit à Imola. Mmh. Ils veulent avoir un contrat de 10 ans, donc là enfin les travaux ont enfin été lancés, donc on sort les premières images qui arrivent avec les modernisations de la piste, des infrastructures et tout ça. Le fait de pouvoir avoir deux grands prix en Italie, ça commence à devenir très très chaud. Après, on sait que Liberty Media doit annoncer un système d'alternance, de rotation de grands prix. Donc on attend toujours, hein. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on promet cette annonce du futur de la F1. Pour l'instant on l'a pas, peut-être que c'est un petit peu lié aussi aux accords Concorde qui sont en train de se négocier. Parce que Mercedes voudrait quand même de nouveau un Grand Prix en Allemagne. On a même la France qui a relancé aujourd'hui, on a appris dans les colonnes de l'équipe que le gouvernement français avait autorisé donc l'établissement d'un plan prévisionnel pour essayer de ramener la Formule 1 en France. Voilà, maintenant c'est le contraire qui est vraiment en train de s'établir, c'est que c'est la Formule 1 qui a imposé ses standards. Et tout le monde veut être en Formule 1 aujourd'hui. Ben, pour être en Formule 1, il va falloir peut-être pas sortir un Qiddiya comme les Saoudiens d'ici quelques années, mais être vraiment à un très très haut niveau, comme tu disais Alex, de pistes, de spectacles, d'accueil, d'infrastructures, d'environnement. C'est tout ça qui sera pris en compte. Donc voilà, c'est très bien pour la Formule 1, voilà, qui a vécu un peu son pain noir dans les années 2010, où on commençait un peu à avoir un peu ça s'affoler pour pas mal d'équipes. Mmh. Et maintenant, voilà, qui est en plein essor et qui a une base de fans effectivement renouvelée. Et justement, là, on peut se raccrocher à ce que tu disais par rapport à Monaco, c'est que la base de fans renouvelée, Monaco, elle adhère pas du tout, hein. Donc, c'est un Grand Prix très très chiant, soyons clairs. Mm. On a souvent dit qu'il faudrait un format spécial pour Monaco, attribuer des points pour la grille de départ, ce genre de choses. On va pas revenir là-dessus aujourd'hui. On verra ça après le prochain Grand Prix à Monaco, voir comment ça s'est passé. Mais voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que les Grands Prix européens aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès sur la plupart d'entre eux. Et voilà, on peut très bien imaginer des alternances entre Spa et Zandvoort, entre Imola et Monza, ça risque d'être beaucoup de ce genre de choses, parce que de toute façon, dans l'accord Concorde, il a été confirmé qu'il n'y aurait pas plus de 25 Grands Prix par an, ça n'ira pas plus loin, donc pour l'instant on est à 24, 25 ça fait très longtemps que ce chiffre existe déjà dans les accords, depuis 2019, hein. depuis 2019 on peut avoir 25 Grands Prix par an, on n'a jamais atteint ce chiffre, mais l'année prochaine, tel que le calendrier est agencé, il y a une place pour un 25e Grand Prix en mois de juillet, si on veut. Oui. Voilà. Avec peut-être plus de sprint aussi à l'avenir, parce que du coup, c'est vrai que Stefano Domenicali a commencé. Alors, Stefano Domenicali a promis plein d'annonces à Imola, finalement, il n'a pas eu. Par contre, il a aussi lancé plein de sujets sur la table. Il voudrait faire plus de sprint. Alors, c'est vrai que c'est un débat actuel de la F1. Est-ce qu'il faut plus de sprint, moins de sprint? Les gens détestent, certains aiment. Nous, finalement, plus ça va, plus on est client quand même, j'ai l'impression. Enfin, quand on en parle, c'est ce que je sens, en tout cas, Franck et moi. Je sais pas, Alex, toi, ce que t'en penses. Moi, j'apprécie les week-ends sprint. Et un chiffre, c'est que récemment, il y a quelques mois, la F1 disait que dans les week-ends sprint, il y avait à peu près plus de 30% d'audience, plus de 50% d'engagement. Donc, à partir de ces données, macro, la question est réglée. Il va y avoir si les week-end sprint fonctionnent, la F1 va les augmenter au fur et à mesure que la croissance suit une telle courbe exponentielle. Je pense que c'est clair, hein, faut pas oublier que c'est une entreprise cotée qui rend tous les ans des comptes aux actionnaires et après tout, les équipes sont pour parce que c'est elles qui vont recevoir une part des revenus et en pleine renégociation des accords Concorde, je pense que les équipes, ils vont dire, ok, ouais, plus de sprint, mais on veut plus d'argent au final, à la fin, et voilà. Encore une fois, que vous avez plus de 30% d'audience, ça ne signifie pas plus de 30% de revenus, mais évidemment, ça booste le côté sponsoring, etc. Donc, pour moi, le tant qu'il n'y a pas de saturation, et pour l'instant, on n'en voit aucunement, il n'y a pas de raison de ne pas multiplier les sprints. Je suis d'accord avec toi, et puis, en plus de ça, il y a le facteur, moi, ce que je préfère, c'est effectivement le facteur intérêt chaque jour, voilà, le vendredi il a un vrai intérêt, le samedi aussi, le dimanche aussi, et surtout le facteur imprévisibilité. Vous avez une heure pour régler votre voiture, Et vous avez imaginé un week-end sprint à Imola, Red Bull aurait été dans la misère totale. On en parlera tout à l'heure, c'est Buemi qui a sauvé le week-end de Red Bull au simulateur. Sans Buemi derrière et son travail au simulateur, Red Bull était peut-être la troisième ou quatrième équipe en termes de performance. Alors ils auraient peut-être loupé les qualifications pour le sprint, ils auraient peut-être loupé le sprint aussi, ils auraient fait un va-tout ensuite pour les qualifications. Mais voilà, en termes d'imprévisibilité, au moment, c'est toujours pareil, on en revient à ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est que les équipes sont aujourd'hui tellement bien rodées, fiables, les pilotes... Bon, on a vu des erreurs quand même ce week-end sur les pilotes, on en parlera. Mais voilà, c'est tellement fiable, entre guillemets, sur tous les points, que ben voilà, tout ce qu'on peut faire pour les déstabiliser un petit peu, sans rentrer dans les artifices de changer un règlement sportif ou ce genre de choses, c'est toujours bienvenu. Et si en plus, effectivement, il y a un intérêt derrière qui est croissant, pourquoi s'en priver ? Je ne sais pas si on aura 24 Grand Prix sprint. Effectivement, Domenicali, il a parlé de plus de sprints. Certains ont dit qu'il aurait dit tous les Grand Prix sprint, mais je n'ai pas exactement eu cette déclaration-là où il disait que ce serait tous les Grand Prix. Donc là-dessus, je mets un soupçon de point d'interrogation. En tout cas, plus de sprints, ça c'est sûr. Peut-être monter à 12 au lieu de 6. Ouais, c'est ça, la moitié du calendrier, quoi, peu de choses près. C'est ça, et franchement, moi, je ne suis pas contre, et les gens adhèrent plutôt aussi. Voilà, et qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse. Voilà, pourquoi faire toujours des livres 1, livre 2, livre 3 si vous voulez absolument avoir une vraie hiérarchie, des vraies voitures et des vrais pilotes au bout des 3 libres, bah libre à vous maintenant, avoir un petit peu de facteur d'imprévisibilité, c'est bien aussi. Voilà. Non, moi, je suis assez d'accord, c'est vrai que les week-ends avec 3 séances, c'est un petit peu pas anachronique, mais c'est vrai que les équipes sont mieux préparées. Même là, quand on voit encore une fois sur les previews qu'on fait de Monaco, il y en a plusieurs qui disent qu'elles arriveront avec des réglages déjà faits et que normalement la voiture sera bonne dès les premiers essais et que l'objectif des 3 séances, c'est que le pilote prenne confiance. Donc je vois beaucoup de gens dans le chat qui disent non par rapport au sprint, mais après c'est vrai que bon, effectivement, pas forcément... toute la saison, ça pour moi c'est une connerie parce qu'il y a des circuits qui se prêtent pas forcément, et puis c'est bien aussi d'avoir le vieux format, je pense, même pour les équipes ça repose un peu plus les gens, mais oui, en fait c'est différent et ça amène plus d'intérêt, et en fait ouais, c'est vrai que je comprends les gens qui sont un peu frustrés de rater si on travaille le vendredi, on travaille le samedi ou quoi, mais après il y a quand même de l'intérêt tous les jours, et c'est vrai que bah, si, je sais pas si vous regardez tous ou toutes les EL2, mais encore une fois, je reviens toujours à cette séance qui est affreuse à suivre, qui est pas intéressante parce que c'est que du travail de fond et c'est pas le truc le plus utile qui soit, donc moi je suis plutôt pour aussi. Après avec tous les replays qu'il y a aujourd'hui, c'est pas parce que vous travaillez que c'est ça. Je veux dire, on n'est plus à l'époque où effectivement c'était la télévision cathodique ou même les premières décisions d'écran plat. Il fallait absolument voir un direct ou programmer votre magnétoscope pour un grand prix. En espérant qu'il n'y ait pas une coupure de courant qui annulerait son programme. Aujourd'hui, si vous avez Canal ou F1 TV, vous pouvez très largement revoir le sprint. Après, à libre à vous de. Enfin, attention, surtout pas vous faire spoiler. Voilà. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi. Si vous avez Canal et F1 TV, ça ne sert à rien d'avoir les deux maintenant. Il y a Dave Murray dans le chat qui dit qu'il ne voulait pas condenser le week-end, une FP et qualif le samedi et un GP le dimanche. Ça, c'est ce qu'ils ont tenté à Imola 2020 en pleine période Covid. Mais le fait est que moins tu as de programmes sur place, moins tu as de spectateurs et de diffuseurs, moins tu as de ventes. Ouais, donc en fait, c'est une perte d'argent énorme. Et pour de la vie. Ouais, c'est ça. Et pourquoi faire 2 jours qui fonctionnent quand tu peux faire 3 jours qui fonctionnent, donc c'est par contre, ce qui sera indispensable, c'est évidemment sur le côté humain la rotation du personnel. Oui. Voilà. Alors, quitte à négocier encore une exception au budget qui vont devenir très très compliquées, mais c'est absolument indispensable. Les promoteurs arrivent à remplir le vendredi maintenant, ce qu'ils n'arrivaient jamais à faire avant. Ouais. Donc pourquoi se priver de 3 jours d'action, hein? Bah c'est ça, c'est pour ça que je veux. Vous imaginez, vous êtes promoteur d'un Grand Prix, on vous propose un week-end sprint ou sans week-end sprint, lequel vous choisissez. Puis il ne faut pas oublier que les promoteurs claquent quand même des dizaines de millions pour avoir le plateau, et que eux, l'intérêt, c'est que ça rentre. Donc après, il faut du monde sur place les 3 jours, et la billetterie, si tu fais une billetterie sur 2 jours, la manque à gagner est énorme. Donc voilà, comme tu. Enfin, je vois MMG qui dit ça faudrait mieux tout condenser sur 2 jours, mais si on condense sur 2 jours, le format, le, comment dire, même le fonctionnement actuel de la F1 est caduque, ça ne fonctionne plus. Donc. C'est l'équilibre est trouvé. Malheureusement, ça plaît pas à tout le monde, mais on a avec ça le moyen d'avoir une F1 qui soit saine financièrement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable il y a 5 ans. Donc, alors il y a eu beaucoup de choses de fait, dont les plateformes budgétaires et tout ça, mais aussi le fait que la F1 a plus de monde sur les circuits, plus de monde devant la télé. Ça augmente tout, en fait. Ça augmente toute la valeur de la F1, et y compris celle des équipes. Donc, ça fait que tout le monde est plus à l'aise et plus en sécurité pour son avenir. Et effectivement, comme le dit Vardon, en plus, il y a... Il y a la F1 Academy, F2, F3 sur place, il y a la Porsche Super Cup en Europe, donc on a énormément de choses sur les circuits. Quand on est sur un circuit sur 3 jours, on s'ennuie pas, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe en piste, il y a toujours des choses qui se passent hors piste, puisque des fois il y a des concerts, des choses comme ça, donc en fait, il n'y a jamais de temps mort réellement de plus d'une heure, une heure et demie, et ça fait qu'il y a largement en 3 jours le temps de caler tout. Et en fait, les gens qui viennent 3 jours et payent pour 3 jours, on a aussi pour leur argent. C'est ça qu'il faut voir, c'est que, alors certes, le vendredi en F2, F3, c'est que des qualifs et des essais, mais malgré tout, c'est intéressant, ça fait quand même des voitures qui roulent. Et après, les 2 jours suivants, c'est les courses. Donc, c'est vrai que c'est. En fait, il y a largement de quoi contenter tout le monde. Vous prenez 3 jours de Grand Prix, en moyenne, c'est entre 400 et 500 euros une bonne place sur 3 jours. Vous avez quand même 3 jours d'action, de choses à faire, alors qu'une très bonne place de concert, vous êtes très rapidement à 250-300 euros quand même. Donc, pour 1h30 ou 2h. Donc, il faut aussi mettre en perspective tout ça. Voilà, puis quand même, allez, pour histoire de les réjouir avant de passer au Grand Prix, comme une petite annonce qui pourrait quand même leur faire plaisir, c'est que en 2030, on imaginerait bien revoir des moteurs 100% thermiques grâce au carburant durable ou de synthèse, histoire de refaire un peu de bruit. Donc, et même peut-être des V8. Et même peut-être des V8, exactement. Donc, donc là, j'espère quand même qu'au moins ça s'est salué dans le chat, si jamais ça vient à arriver. Moi, j'ai une petite annonce à faire à monsieur Stefano D, qui a dit que ce serait chouette d'avoir des carburants de synthèse pour faire une F1 qui serait enfin neutre, enfin qui ferait enfin zéro carbone, etc. Mais en fait, le carburant de synthèse n'est pas zéro carbone, c'est neutre en carbone, donc c'est pas du tout la même chose. En fait, le carburant de synthèse compense les émissions produites au moment de la du fonctionnement par la capture de CO2, mais à aucun moment c'est quelque chose de zéro carbone. Donc en fait, c'est compatible avec l'objectif 2030 de la F1, qui est le zéro carbone, le neutre carbone, pardon, mais c'est pas compatible avec l'objectif 2050, qui est le zéro carbone. Voilà, c'est une solution qui peut être envisageable, mais il faudra quand même trouver quelque chose pour la suite. Mais c'est vrai que ça peut permettre au moins d'avoir des F1 bruyantes. Alors déjà, on va relativiser, les F1 ont quand même un joli bruit actuellement, parce que depuis, c'est pas 2014, on a quand même des moteurs qui ont été beaucoup développés depuis 2014 et qui font quand même du bruit. Mais ça reste. Alors, je voudrais avoir Zero qui dit un V8 atmosphérique. On va peut-être pas en vouloir trop non plus. Il faut quand même du downsizing. Il faut que les constructeurs s'y retrouvent, parce qu'il faut. Enfin, plus personne ne fait des moteurs sans turbo aujourd'hui, en fait, parce que c'est quand même le meilleur moyen de faire des moteurs efficients. Ferrari en fait encore. Supercar, voilà, les V12. Lamborghini en faisait, mais c'est fini. Eux, ils ont annoncé un V8 turbo, biturbo. Donc, voilà. Mais après, oui, effectivement, il y a le bring back Vitel V12 de Sébastien Vettel. Mais voilà, donc c'est vrai que. Ça peut être pas mal, et puis bon, ça peut prolonger un peu le plaisir des voitures bruyantes pour la catégorie Rennes, quoi. Après, On nous dit que le carburant de synthèse coûtera encore plus cher. Je peux vous dire que le prix du carburant de synthèse, c'est loin d'être le cadet de leurs soucis. Oui. Par rapport au risque du plateau, c'est très loin d'être un problème pour eux. C'est ça, honnêtement, c'est cher, mais c'est pas. Et puis en fait, ça coûtera cher, mais de toute façon, d'ici à 2030, ça coûtera moins cher, parce que là, ils commencent déjà à faire 10 euros le litre, entre 5 et 10 euros le litre selon en production pure. Hein, donc, ouais. Et chez Porsche, notamment, c'est ce qu'ils arrivent à sortir à peu près de leur usine, je crois que c'est au Chili qu'ils ont cédé quelque chose là-bas. Je crois, ils sont entre 5 et 10 euros le litre déjà, donc bon, après, sur des petits camions. Et que Aramco développe ce carburant avec le but qu'en fait, que si vous le mettez dans une Formule 1 ou dans votre voiture, dans les deux cas, ça fonctionne, ce qu'on appelle le drop-in, et donc ça serait évidemment une belle avancée. Et faut pas oublier non plus qu'un carburant de F1 aujourd'hui, ça coûte pas ce que vous payez à la pompe, c'est plus cher, donc il y aura pas une grosse différence en fait. C'est pas 1,85€ le litre prix coûtant, mais donc voilà, non c'est vrai que faut pas, enfin il y aura des solutions. Après, moi je pense que la F1 aurait tout intérêt à quand même vraiment clarifier sa communication, parce que là en fait ils sont en train d'endormir tout le monde avec le zéro neutre, etc. mais voilà, après là je vois des F1 qui passeraient tout électrique. Je pense que de toute façon ils arriveront à faire, il y aura au minimum l'option qui est l'hybride hydrogène, qui permet d'avoir un moteur thermique qui fonctionne en rejetant de l'eau. Alors c'est une technologie qui est au balbutiement, mais d'ici 2035-2040, ça peut... Il nous ferait des grands prix sous la pluie au fur et à mesure. C'est ça. Oui, je pense que ça mouillerait les pneus des voitures derrière qui suivent. C'est ça, c'est très marrant. Il n'y aurait plus de Grand Prix sur le sec. Mais non, mais voilà, donc il y a des. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a des solutions d'avenir, mais la F1 en tout cas, ils travaillent. Après, je pense que. Ouais, ils essayent aussi de. Je pense que c'est un peu du fanservice de dire ça tel qu'ils le disent, mais il y aura des solutions. Alors, le proto-alpine qui n'a pas roulé à cause de problèmes Bmax, c'était un problème électronique, donc rien à voir avec le système hydrogène, mais en tout cas, c'est effectivement cette technologie-là. Je pense qu'on peut passer au Grand Prix d'Imola, messieurs. Avec, alors bon, c'est bien, parce que du coup, les fans de Red Bull auront eu le temps de finir leur repas et de venir nous rejoindre pour parler de la victoire de Max Verstappen. C'était, donc, il avait été battu par Lando Norris à Miami. Il retrouve son trône de peu, puisqu'il gagne pour 7 dixièmes. Sergio Pérez termine 8e après une qualification ratée et une course pas terrible. Bah déjà, qu'est-ce qu'on pense de Red Bull? Parce que alors, c'est vrai que j'ai un petit peu fait un message, on va dire, comment dire, aguicheur sur les réseaux en disant est-ce que c'est la fin de règne de Red Bull, est-ce que c'est la fin de domination? Mais c'est vrai que la question se pose, puisqu'on voit que même malgré un excellent premier relais de Max Verstappen qui avait pris de l'avance grâce à un bon fonctionnement des médiums, on a eu une fin de course où il n'a pas réussi à déjà garder sa fenêtre de 5 secondes de marge qu'il voulait garder, puisqu'il était sous le coup d'une possible pénalité en cas de dépassement des limites de piste, puisqu'il avait déjà eu un drapeau noir et blanc. Et en fait, dans les derniers tours, il s'est vraiment la performance des pneus s'est effondrée, et Norris est revenu à 7 dixièmes, ce qui aurait pu lui laisser la possibilité d'attaquer au tour suivant s'il y avait un tour de plus. Donc, c'était limite. Franck, je ne sais pas ce que tu as pensé de cette course. Est-ce qu'il y a eu vraiment danger du côté Red Bull, et à quel point ils sont en difficulté maintenant, en tout cas au niveau de la gestion de course? Danger, oui, clairement, parce qu'en fait Norris remonte quasiment à 1,5 seconde, 1,6 seconde déjà quelques tours avant l'arrivée. Donc c'est vraiment Max Verstappen qui réussit à contrer un petit peu Norris sur les 5-6 derniers tours, parce qu'en fait si Norris avait réussi à se rapprocher beaucoup plus sur les derniers tours, il aurait été beaucoup plus vite dans la boîte de vitesse de Max Verstappen. Donc on peut saluer là aussi Max Verstappen d'avoir su, entre guillemets, peut-être gérer un peu l'écart, le faire tomber, mais il n'avait pas trop le choix. Et voilà, sur les 5 derniers tours à peu près, où il est entre 2 secondes et 7 dixièmes, comme tu le dis, au final, c'était à la limite de ce qu'il pouvait demander à ses pneus, mais c'est bien géré de la part de Max Verstappen. Maintenant, il n'y a plus aucune marge de sécurité. C'est Sébastien Buemi qui fait 11 heures dans le simulateur vendredi, parce que la voiture est une catastrophe à conduire. Mais quand on dit une catastrophe, c'est une catastrophe. On n'avait jamais vu Verstappen autant dehors, hein, parce qu'il était vraiment sur des fautes de pilotage. Là, chaque tour rapide, quasiment. On n'était pas que sur de l'insulte à la radio, on était quasiment sur des fautes, sur du passage par les bacs, par ce genre de choses. Pérez y est passé aussi. Une voiture extrêmement délicate à piloter. Et je pense, voilà, il a bien fallu un bon travail de Buemi à l'usine pour trouver les bons réglages dès le lendemain. Remettre au moins Verstappen sur le devant de la semaine, parce que Pérez, lui, voilà, il passe pas la Q2, il passe pas en Q3, donc là effectivement, là il y a vraiment eu le facteur Verstappen qui a joué clairement, et la Red Bull, je suis désolé, ça y est, on est vraiment sur alors on peut pas dire la fin de règne en tant que tel, parce qu'il gagnera encore d'autres grands prix, mais la fin de l'ère de l'ultra domination, ça c'est clair. Pour moi, on y est enfin. Il y a de la convergence, il y a des super évolutions qui sont arrivées chez McLaren, chez Ferrari. Bon, il les mettait pour la première fois sur ce grand prix là. C'est pas le meilleur endroit pour les juger, parce que, comme ils l'ont dit, comme surtout Charles Leclerc l'a dit, il y a aussi beaucoup de choses qui sont... C'est des passages sur les vibreurs qu'il faut faire, c'est aussi... Bref, on reviendra sur Ferrari tout à l'heure, mais ouais. C'est pas le meilleur endroit pour juger les évos. Mais en fait, on a 3 voitures en 1/10 seconde. Et au bout de 70 tours, on a 3 voitures qui se tiennent en 7 secondes, donc c'est du moins d'un dixième par tour. Et ça, c'est du jamais vu depuis le début de l'ère de la F1 Fetzel, depuis 2022. À part au tout début 2022, effectivement, ça se tire un peu la bourre entre Ferrari et Red Bull. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Un peu rapproché. Donc, si on nous avait dit ça au début de la saison, même après les essais hivernaux, même après le premier Grand Prix, on pensait que Verstappen allait remporter tous les Grands Prix. Après les deux premiers, si on nous avait dit qu'au bout de 7 courses, on aurait eu 3 équipes dans un mouchoir de poche, je pense que moi, je n'aurais pas cru personnellement. Et ça me montre bien, voilà, qu'on mais c'est ce qu'on savait finalement en période de stabilité réglementaire. La convergence des performances se fait. Alors aussi vite, moi je suis quand même surpris. Évidemment, ça va continuer à varier de course en course. Et finalement, ça va se jouer sur les détails ou sur l'opérationnel ou voilà, dans le simulateur. Hein. Buemi a fait un meilleur week-end que Perez finalement. Et la Red Bull était évoluée aussi, hein, on rappelle. Hein. Oui. Voilà, la Red Bull en fait des évolutions aussi. On a vu McLaren qui voilà, c'est et peut-être qu'en milieu fin de saison, la Mercedes reviendra. Alors évidemment, on n'y croit pas trop, mais comme il se passe des choses aussi auxquelles on ne croyait pas, pourquoi pas également. Donc ça montre tout simplement que c'est le premier aussi une très belle peut-être saison 2025. Mais encore une fois, c'est pas le discours qu'on pouvait tenir en début d'année. Oui, faut pas enterrer 2024, hein, il reste quand même 18 courses, donc non, pardon, 16 courses, quand même, on peut quand même renverser. La Red Bull, c'est pas totalement échappé. Sait que c'est en 2026, lorsqu'il y aura la nouvelle réglementation, non seulement châssis, mais aussi surtout moteur, qui devrait, mais on ne sait jamais, mais qui devrait recréer des gros écarts. Donc, vraiment, il faut profiter. On est dans une période de fin des réglementaires, c'est souvent là où on a mais c'est vrai que. C'est vrai que là, on est sur la troisième année du règlement et la convergence arrive très vite. Et là, on en revient exactement à ce qu'on disait depuis le début, c'est le plafond budgétaire et les handicaps de développement qui font leur effet. Parce que la troisième année du règlement précédent, c'était 2020, c'était un carnage, Mercedes était largement devant. La troisième année du règlement 2014, c'était 2016, Mercedes était largement devant. Et là, c'est la première fois que dès la troisième année, on a ce resserrement. Et moi, j'ai deux réflexions par rapport à Red Bull. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le rythme de course semble similaire au rythme qualif, c'est-à-dire que Verstappen fait la pole avec un petit coup de pouce de Hülkenberg qui lui donne l'aspiration et en de plus. Piastri qui fait une erreur. Et au final, en course, on est dans un mouchoir de poche aussi. Donc il n'y a pas ce côté où il fait la pole limite, mais que derrière il déroule le dimanche. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serré. Alors j'ai vu Altamen dans le chat qui dit que Red Bull n'avait pas roulé avec les pneus durs, mais en fait, déjà c'était un choix et ça ne change pas grand chose parce qu'au final, la voiture a quand même plus bouffé les pneus que prévu. Et au final, même si le relais en médium était bon, c'est pas normal, entre guillemets, qu'elle n'ait pas réussi à avoir une fenêtre de performance plus longue sur les pneus durs. Et la deuxième chose, moi, que j'ai à noter sur Red Bull, c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des évolutions ? Parce que on nous avait promis une voiture nettement différente au Japon, très différente à la course 7, donc Imola. Alors, pas le zéro ponton, parce que ça, c'était un fantasme, mais ça, c'était pas le cas. Mais ils nous avaient dit que la voiture serait très, très évoluée sur les courses 4 et 7. Au final, il y a eu des nouveautés, mais ce week-end, c'était un plancher, certes, largement revu, et un aileron avant revu, mais c'était pas non plus le package comme McLaren a amené par exemple à Miami ou Ferrari ce week-end, où vraiment on voit des différences à l'œil nu qui sont énormes. Et du coup, la question c'est de se demander, est-ce que Red Bull a plus de mal à faire évoluer cet RB20 qu'on sait un peu plus pointu et est-ce que justement il y a un souci pour aller plus loin dans ce développement? Est-ce que le concept qui a quand même beaucoup évolué mais qui reste basé sur l'RB19 est pas déjà un petit peu pas en bout de course parce qu'il y a forcément de la performance qui va venir, mais est-ce qu'il est déjà pas un peu trop optimisé pour être vraiment amélioré? La seule réponse que je pourrais donner, moi, c'est Adrian Newey qui a dit qu'il y avait un point qu'il chiffonnait sur cette voiture qui serait corrigé soit plus tard dans la saison, soit pour la voiture l'année prochaine. Il n'a pas dit lequel, évidemment, mais voilà, bon, on sait que c'est plus lui qui travaille dessus. Je pense qu'on peut imaginer qu'il l'a identifié, que les équipes techniques vont bosser dessus. Est-ce qu'ils vont être en capacité de le sortir cette année? S'il parle de la voiture l'année prochaine, c'est que c'est quand même un petit peu structurel aussi. Donc c'est à voir à quel point Red Bull sera pressé pour le championnat, je pense. Ils vont peut-être décider d'avancer ce projet au plus tôt pour essayer effectivement de se sortir de là. Parce que, comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, effectivement, Hülkenberg donne la pole position à Verstappen. Si Hülkenberg n'offre pas aspiration à Verstappen, Verstappen part deuxième ou troisième. Et on a un Grand Prix totalement différent, puisque maintenant, c'est vraiment la position en piste là, qui primait vraiment. Donc voilà, c'est... Est-ce que Red Bull est en bout de course? Bon, je pense pas forcément, mais disons que ça coïncide quand même un petit peu avec les tensions internes, ça coïncide avec le départ de Newey, ça coïncide avec beaucoup de choses. Ça, c'est peut-être totalement pas lié, mais les gens aiment bien retenir ce genre de coïncidence. Donc, et faut pas oublier que les tensions dont on parlait et dont il y a eu des bruits de ça remontaient à février, la première fois dont on a parlé, et du coup ça correspondrait aussi au fait que il y a peut-être eu un travail un peu plus pollué par tout ça dans le début. Et c'est peut-être totalement différent aussi. Enfin. Et puis Ford, hein, qui fait des déclarations très vocales sur le fait qu'ils attendent un engagement plus ferme de Red Bull sur les valeurs, ça rassure pas non plus sur 2026. Ouais. De toute façon, en 2026, le projet Red Bull, il sera vraiment, c'est un pari de rester chez eux. Nous, on en revient toujours à ça, parce qu'on disait justement que Verstappen pouvait partir de chez Red Bull, mais c'est vrai que beaucoup disent oui, c'est un pari d'aller chez Mercedes, mais aujourd'hui, c'est un pari de rester chez Red Bull, parce que Red Bull fera son premier moteur thermique. Ford revient en F1 avec une culture du V6 hybride qui n'est pas spécialement développé. Encore une fois, c'est pas eux qui font la partie électrique dans le moteur de la Puma en WRC, donc ils n'ont pas forcément de référence et de travail là-dessus. Voilà, avec une direction technique qui sera totalement différente, beaucoup de gens qui sont partis, hein, on pense à Rob Marshall qui est déjà chez McLaren, Newey qui est parti, voilà, ça fait quand même beaucoup de... Il y a eu des ingénieurs qui sont partis, d'autres qui vont partir, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Red Bull, et là effectivement on voit aussi que le manque de développement, parce que ça fait quand même 3 ans maintenant qu'ils ont l'ATR le plus défavorable avec 70% du temps de développement par rapport au milieu de peloton, et même 60% dans le dernier clair pénalité, bah ça pèse en fait. Là on voit qu'il y a eu un gros travail sur le concept de la RB20, mais que maintenant il y a quand même un manque de possibilité de la faire évoluer, en tout cas à la vitesse à laquelle ils le voudraient. Donc c'est vrai que c'est assez problématique pour eux, et comme on le disait aussi l'an dernier, ce qui est problématique pour eux, c'est que quand la voiture n'est pas au top, qu'elle n'a pas une marge d'avance avec Verstappen, et ben quand elle est aux mains de Perez, elle est carrément dans le ventre mou du peloton. Perez qui n'a pas réussi à retrouver de l'aisance comme Verstappen. Max, il y a Dan Fallows aussi qui est parti chez Red Bull, effectivement. Perez qui n'a pas réussi à retrouver une aisance comme Verstappen le samedi, qui se fait éliminer en Q2 et qui derrière fait une course de quelqu'un qui part 11e, qui est bloqué dans le ventre mou. Alors, il n'a pas voulu attaquer trop, mais du coup, il se retrouve bloqué derrière Tsunoda, notamment, je crois, au premier relais, si je dis pas de bêtises. Et qui ensuite ne peut pas faire mieux que 8e, assez loin en fait du quintet de tête dans lequel on retrouve les deux McLaren et deux Ferrari et son équipier Verstappen, Alex. Oui, non, mais je reviens effectivement à ce que dit le jongleur. Faut-il parler de baisse de régime de Red Bull? C'est McLaren et Ferrari qui montrent en puissance. Oui, c'est vrai, c'est aussi, donc, comme on disait, les effets du règlement sur les budgets, les limitations des ATR. Faut pas oublier non plus que c'est tout à fait possible que Red Bull, ce que disait Ferrari sur les évolutions, c'est pas la question en soi de savoir est-ce que les évolutions fonctionnent ou pas. N'a pas vraiment de sens. Et est-ce qu'on a trouvé les réglages pour faire aussi fonctionner les évolutions? Et c'est possible que Red Bull aussi débloque le potentiel de ces évolutions au prochain Grand Prix à Monaco, qui a un circuit tellement atypique, et reprenne à nouveau 10, 15, 20 secondes d'avance. Ça, c'est pas du tout exclu, mais ça voudra pas dire que la tendance de fond, qui est celle déjà de l'an dernier, on le disait, les écarts sont plus faibles. En fin de saison dernière, cette tendance de fond, elle se poursuit. C'est logique qu'elle se poursuive. Il y aura des écarts, donc Verstappen va peut-être gagner encore des Grands Prix avec 20 secondes d'avance, ça c'est tout à fait possible. Mais la tendance de fond structurelle, elle est là, et elle est naturelle, et elle est tout à fait logique. Hein, on voit, mais le meilleur indice, c'est Perez. Hein, même au début de saison, il fait des deuxièmes places, et maintenant, bah, il redevient un peu le Perez de l'an dernier, c'est-à-dire un Perez qui passe pas la Q2. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein, c'est encore une fois, c'est la logique, hein. Et on ne peut que s'en jouer. C'est exactement ce que cherchait la FOM. Et ils ont encore une fois réussi. Franck, t'es payé, c'est ça? Franck, toi, du coup, là, la prestation de Perez, elle t'inspire quoi au niveau de ce que ça représente pour Red Bull aussi? Dès que la Red Bull a un souci de réglage, et que c'est quand même extrêmement rare, hein, voir Max Verstappen autant batailler au volant du monoplace, même l'an dernier, à part à Singapour, on l'a pas vu. Hein, donc, et Perez, du coup, on paye le prix derrière. Et quand la Red Bull est bien réglée, il arrive à être à 2-3 dixièmes de Verstappen. Quand elle est mal réglée, on retrouve l'écart qu'on connaît de 6, 7, 8 dixièmes. Et qui fait donc extrêmement mal, puisque là, on a 3-4 équipes, les 3 équipes en 1 dixième, la 4e qui est Mercedes, qui a entre 4 et 5 dixièmes, on va dire. Si vous êtes à 6 dixièmes, vous êtes derrière, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Perez, certainement victime lui aussi de mauvaise préparation de l'équipe, hein, parce que l'équipe arrive clairement avec les mauvais réglages en piste, puisqu'on sait très bien maintenant qu'il est, entre guillemets, pas interdit d'expérimenter de son côté, mais son approche, c'est justement maintenant essayer de se recalquer un peu sur ce que ces ingénieurs disent, ce que Verstappen fait, et ça a mieux marché avec cette approche-là en début de saison. Donc, s'il se calque sur Verstappen, si Verstappen va pas bien, et c'est lui aussi, il va pas bien. Hein. Je veux dire, il y a pas de secret, il y a pas de miracle. Donc, et c'est là effectivement qu'on voit vraiment la vraie différence entre les deux pilotes chez Red Bull. Et bon, pour l'instant, on parle d'un cas isolé. Je suis d'accord là-dessus. Pour l'instant, on va parler d'un cas isolé. Maintenant, si Red Bull est de plus en plus en difficulté et que ça se multiplie, bah voilà, on a le remplacement de Perez n'est pas à exclure. Hein. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que Horner prend son temps derrière. Ouais, effectivement. De toute façon, c'est. C'est que Carlos Sainz attend. Notamment clairement voilà une potentielle arrivée chez Red Bull aux côtés de Verstappen ou à la place de Verstappen ou pour mener un autre duo, on sait pas encore, c'est extrêmement flou à ce niveau-là, mais Carlos Sainz a très envie avant de dire oui à Audi en dernier recours d'un projet de retour dans la famille Red Bull et en fait c'est Red Bull qu'il n'a jamais eu quoi. Bah ça, lui. Je me fais pas de soucis pour Perez parce que selon son père c'est le pilote le plus courtisé du paddock. Ça devrait aller. Non, mais c'est vrai bon, c'est bon politicien ce monsieur Perez. C'est vrai que c'est ouais, pour Red Bull on sent que c'est un peu compliqué. Alors, ils ont pas forcément autant d'options qu'ils auraient voulu parce qu'on voit que les autres pilotes aussi malgré tout ne les laissent pas trop passer de temps. On pense à Albon quand on reviendra après qui a re-signé chez Williams, qui a prolongé. Donc ils vont se retrouver aussi bientôt avec peu d'options externes en fait à leur pool de pilotes à eux qui est constitué de Perez, de Tsunoda, de Ricciardo, de Lawson ou d'un pilote des formules de promotion mais qui irait plus fort logiquement chez RBF1 pour faire ses armes. Oui, clairement Red Bull n'est pas trop en danger à ce niveau-là, surtout si Tsunoda continue comme ça. Qui veulent remplacer Perez, je pense que Tsunoda serait le candidat désigné pour le faire. Et à ce moment-là, on arrêterait de parler de tout lien entre Tsunoda et Honda. Et Tsunoda devrait vraiment un vrai pilote Red Bull avec un avenir chez Red Bull et puis un avenir à moitié-moitié lié à l'un et à l'autre. Quoi. Alors, Sobre Delicate demande si Albon a signé aussi vite chez Williams. Est-ce que c'est parce que tout est décidé fermé chez RB ? Non. C'est plutôt que Red Bull. Red Bull, pardon. Non, c'est qu'en fait, je pense que les pilotes sont aussi en crainte de tout perdre parce que Albon avait son contrat pour un an de plus, mais derrière il avait rien. Et est-ce que ça vaut le coup d'attendre et de se faire au final perdre le volant chez Red Bull et que Williams signe quelqu'un d'autre? Donc il y a en fait les équipes mettent la pression sur les pilotes comme ça en leur disant venez parce que sinon vous risquez de tout perdre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui tente d'avoir un levier sur les équipes. On pense à Sainz qui a tenté d'avoir un levier sur Audi et Audi lui a clairement fait comprendre qu'au bout d'un moment il faudra qu'il prenne sa décision parce qu'eux ils l'attendront pas éternellement. Donc il y a 10 équipes très fortes et 19 pilotes très forts. À partir de là c'est très compliqué de naviguer dans le marché des transferts, donc voilà. Bah, c'est ça. Et le jongleur qui demande si Perez ne fait pas la saison prochaine, est-ce que Red Bull peut attirer un pilote prétendant à un titre mondial à côté de Max? Non, enfin, ils vont pas aller chercher un pilote prétendant à un titre mondial. Je pense à un Alonso ou quoi. Jack Lewis, c'est pareil. Alonso a re-signé rapidement aussi chez Aston en se disant qu'il n'allait pas attendre. Clairement, ils iront plutôt vers un pilote du cru. Moi, je pense que Tsunoda peut avoir sa chance si c'est pas Sainz et si Perez part, parce que Tsunoda est en train de monter en puissance de manière folle du côté de RBF1. Et qu'en fait, au bout d'un moment, il faudra bien justifier le fait de lui avoir donné 4 ans dans une équipe, dans la deuxième équipe. Et c'est vrai que Ricciardo semble toujours un peu en deçà quand même. Donc moi, je parie là-dessus. Après, Lawson, je vois quand même passer une année chez RBF1 avant de potentiellement faire le saut chez Red Bull. Parce que lui aussi est très fort, mais il faut quand même confirmer sur du long terme. Mais je vois pas aller chercher un candidat au titre. Hein. De toute façon, les candidats au titre potentiels, les pilotes titrables, on va dire, si tu prends les noms logiques, Hamilton a signé chez Ferrari, Leclerc a signé chez Ferrari pour du long terme, Norris est à long terme chez McLaren, Russell est à long terme chez Mercedes... Et derrière, est-ce que tu ranges Sainz dans la catégorie des pilotes titrables? Moi non, parce que je pense toujours qu'il n'est pas capable de faire une saison complète de manière performante comme le font des Verstappen, Hamilton en 2021. Et Leclerc a cette interrogation là aussi, Norris aussi, Russell aussi, parce qu'ils ne sont pas été dans cette situation. Mais je les pense un peu plus capables aujourd'hui de résister mentalement. Là où je pense que Sainz n'est pas assez régulier. De toute façon, Red Bull ne bougera pas tant qu'ils ne seront pas 100% certains de garder ou non Verstappen au-delà de 2025, à mon avis. Oui. Sachant quand même pour 2025, ça c'est encore un point d'interrogation. Ça, on en parlera un peu dans Mercedes. Ouais. Sinon, on divague sur tous les... Tout à fait. Donc voilà, en tout cas pour Red Bull, je pense qu'on a fait le tour globalement de ce qui s'est passé en piste et hors piste. Et c'est vrai que de toute façon, quitte à ne pas parler de Red Bull, forcément, on va parler de McLaren qui... Et maintenant, la principale menace, je pense, on peut dire, de Red Bull en piste. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de dire ça, hein, parce que vous savez tous mon attachement à l'équipe. Mais c'est vrai que là où on voyait plus Ferrari en début de saison être la principale menace, et encore menace, comme tu disais, Alex, tout à l'heure, c'était un bien grand mot, parce que Ferrari n'avait pas les armes pour aller se battre. Là, aujourd'hui, McLaren a amené un package d'évolution à Miami qui a vraiment transfiguré la voiture. On voit que ça fonctionne très, très bien. Ils ont gagné à Miami. Ils font première ligne à Imola. Norris est fini à moins d'une seconde de Verstappen, donc Piastri finit quatrième. Alors il s'était qualifié deuxième, il prend 3 places de pénalité pour avoir gêné Magnussen en qualification à cause de son équipe qui ne lui a pas prévenu qu'il y avait une voiture rapide derrière lui. C'est une erreur opérationnelle. On voit aussi que McLaren a des progrès à faire sur ce côté-là, puisque ça coûte 3 places, et à Imola ça coûte très très cher de partir 5e au lieu de partir 2e. On peut envisager aussi que si McLaren était parti avec ses deux voitures derrière Verstappen, ils auraient pu faire un peu comme à Miami, une voiture qui chassait Verstappen et l'obligeait à aller encore plus vite, et l'autre qui économisait un peu plus les pneus. Donc voilà, ça aurait changé la physionomie de la course. Maintenant, alors Piastri disait, on a eu les deux pires places, puisque Norris est premier derrière le vainqueur et Piastri est premier derrière le podium, mais le fait est que pour McLaren, être déçu d'une deuxième et d'une quatrième place, c'est quand même un grand, grand progrès. Est-ce que vous pensez que McLaren aura les ressources pour se battre à la victoire, pour la victoire sur chaque course? Et est-ce que, pour eux qui sont encore assez loin, mais pas non plus totalement distancés de Red Bull, est-ce que des espoirs de titre constructeur ou pilote peuvent encore être envisagé pour cette saison, Alex? Voilà, la saison est encore tellement longue que si ils deviennent même la première force, forcément, hein, il y a quand même 50 points d'écart, je crois, entre Norris et Verstappen, c'est quand même pas rien, mais théoriquement, la saison est tellement longue qu'on a fait à peine le tiers que tout peut se passer. Bon, ils sont quand même encore plus loin au constructeur, mais non, vraiment, en fait, c'est le pari de Norris qui est validé, c'est-à-dire le pari de rester chez McLaren, en disant je veux construire quelque chose avec McLaren, je veux être capable d'être titré avec McLaren. On aurait pu en douter il y a 2 ans. Est-ce que McLaren est capable vraiment d'être une top team, en tout cas vraiment de pouvoir lutter pour le titre, ou alors juste de faire des petits podiums comme ça à la régulière? Pour l'instant, c'est le pari de Norris qui est validé, donc c'est tout à leur honneur, et bravo encore une fois à toute l'équipe technique, à Stella, etc., à Woking. Voilà, encore une fois, ça va varier tout au long de la saison, c'est pas exclu qu'ils redeviennent la troisième force. Assez nettement selon les circuits, mais c'est tout simplement, ben McLaren est en train de redevenir une top team, tout simplement, hein, 12 ans après, on est en train d'assister à ça, hein, donc c'est tout à fait possible qu'ils remportent encore des victoires. Pour le titre, ça risque d'être juste, mais en tout cas, je pense que Norris peut arrêter de se taper la tête contre le mur en disant, mais pourquoi j'ai pas accepté d'aller chez Red Bull, parce que voilà, il est le leader de l'équipe, assez nettement, et voilà, c'est jamais ce qui peut se passer cette année, l'an prochain. En tout cas, il prouve qu'il a la trempe dans le championnat du monde à travers sa régularité qui est quand même phénoménale. Piastri qui l'embête pas encore assez pour pouvoir devenir insupportable. Je suis sûr qu'on verrait un côté un peu sombre de Norris dans ces cas-là, parce que c'est plus vraiment le jeune souriant qui fait des blagues. Donc pour l'instant, McLaren, c'est vraiment, je tiens un grand coup de chapeau. Je dois avouer aussi qu'il y a 3 ans, je ne pensais pas qu'ils seraient capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a pas et bravo à eux. On nous dit que McLaren ne tiendra pas sur la durée. Alors moi, je vous rappelle juste une chose. Vous enlevez l'aspiration d'Hülkenberg sur Verstappen, vous avez un week-end totalement différent à Imola. Vous avez Norris qui gagne. Donc, on n'est pas sur une victoire, entre guillemets, à la régulière de Verstappen qui signe une pole implacable et qui s'échappe et tout. On est sur un Verstappen qui s'assure la première place grâce à une aspiration offerte en retour par Hülkenberg. Vous nous mettez un Norris en pole, il déroule le Grand Prix qu'il a déroulé, Verstappen ne le revoit pas. Donc voilà, là c'est, pour moi c'est clair, net et plié. McLaren, ça fait comme 2 Grands Prix de suite qui pour moi, ils en ont transformé un à Miami. Et si Verstappen n'avait pas aidé, Dieu sait comment qu'il n'a pas besoin d'aide, ce monsieur. Donc s'il y a bien quelqu'un qu'il faut les pointer du doigt, c'est Hülkenberg. C'est McLaren qui gagnait aussi Imola. Donc oui, sur la durée, il n'y a aucun souci. Pour moi, McLaren est en train de gagner son pari. Pour moi, cette saison de Red Bull, elle est loin d'être pliée et facile. Bon, après, certes, ils ont démarré ce week-end vraiment du très très mauvais pied en termes de réglage. Donc il faut aussi nuancer ça. Monaco, c'est sera forcément une exception. Voilà, il y a aucun enseignement à tirer de Monaco, si ce n'est un pilote en totale confiance avec sa voiture, un pilote qui domine entre les rails. On sait que Verstappen, dans cet exercice-là, que sa F1 soit excellente ou hyper excellente, il sera devant. Mmh. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour Verstappen là-dessus. Après Monaco, ça risque effectivement de devenir très très intéressant. Et je crois bien, moi, que McLaren est en capacité de remonter sur Red Bull. Et pas que McLaren, Ferrari aussi pour moi. Mmh. Donc, non, c'est pour moi, Red Bull, là, ils sont en train de vivre vraiment une fin de leur domination. Et même peut-être un début de leur défaite. Et pour moi, Imola. Je rappelle, sans l'aspiration d'Hülkenberg, c'est Norris qui gagnait. Ouais, moi je pense que sur la saison, ils ont un énorme atout qui est Max Verstappen, parce que lui, on sait que de toute façon, quand la voiture sera là, il sera là tout le temps. Mais par exemple, le titre constructeur, pour moi, c'est loin d'être joué, parce que Perez, on sait qu'il peut rapidement être dans une spirale négative. Là, on arrive quand même à Monaco ce week-end ou l'an dernier, il ne faut pas oublier qu'il fait un week-end catastrophique, et on arrive sur un week-end qui n'était pas terrible. Alors il essaie de se rassurer comme il peut en se disant qu'il a eu des dégâts en passant hors piste, mais de toute façon c'est de sa faute quand même, et malgré tout il n'était vraiment pas dans le rythme. Il a été dans le rythme quand il a changé les pneus, mais rapidement son rythme n'était plus aussi bon, et ce qui est assez rare même pour Perez, qui avant était un exemple de gestion des gommes. Et ouais, comme le dit Nico, hein, de toute façon, Verstappen est encore devant McLaren, mais McLaren développe actuellement plus vite sa voiture que Red Bull. Faut pas oublier qu'encore une fois, ils ont beaucoup plus de développement, ils ont 10% de développement en plus, ce qui est pas rien, même plus 15% parce qu'ils finissent 4e l'an dernier. Ouais. Donc, jusqu'au 30 juin. C'est ça. Et ça fait la différence. Et de toute façon, même s'ils en ont moins, puisqu'ils sont 3e du championnat, ils en ont quand même plus que, Red Bull. Alors McLaren va faire pchit, Ferrari beaucoup plus stable niveau pilote, bah peut-être, mais t'as l'air de penser que McLaren n'ira vraiment pas au bout. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui Norris fait de moins en moins d'erreurs et qu'il est quand même comparable à Leclerc, et que dans la deuxième voiture, même si Piastri est moins efficace en course, il est quand même plus régulier qu'un Sainz par exemple, qui a des week-ends un peu plus compliqués. Sainz a dit qu'il a fait son pire week-end, d'ailleurs on reviendra dessus. Donc McLaren, pour moi, ils ont à la limite l'opérationnel qui est encore à peaufiner, mais pour moi ils ont la capacité de devenir la meilleure équipe au moins une partie de la saison, une partie restante de la saison. Et puis sur les runs ATR, on parlait de la quantité des runs en soufflerie, puis il y a aussi la qualité, hein. Oui. Si jamais Red Bull n'arrive pas à comprendre ces évolutions, eh ben forcément ils perdent entre guillemets du temps à essayer de les comprendre, et tandis que McLaren peut bosser justement sur ces évolutions dans une soufflerie toute neuve, hein. Faut pas oublier que McLaren, il y a aussi une part de la transformation qu'on a vu ces derniers mois, c'est qu'ils ont une soufflerie toute neuve à Woking. Ils n'utilisent plus la relique de Toyota à Cologne. Et c'est le Red Bull à 20 ans aussi, hein. Ouais. C'est le Red Bull à 20 ans quand même, ils bossent comme avec ça, hein. C'est ça oublier. Exactement, et McLaren a vraiment ce qu'ils appellent du state of the art, c'est vraiment genre le top niveau des infrastructures, et a quelque chose qui est une corrélation qui est parfaite. Ça c'est vraiment le gros avantage pour McLaren, c'est que toutes les évolutions qu'ils amènent donnent exactement ce qu'ils veulent. Ferrari a également réussi à retrouver ça aussi récemment, donc ça va ne pas laisser de marge en fait à Red Bull pour le développement. Il va falloir que chaque évolution qu'amène Red Bull soit très bonne, et là en l'occurrence l'évolution qu'ils ont amenée à Imola, c'est vrai qu'elle a été, les réglages n'étaient pas bons au début de week-end. Monaco va être à part, donc on ne saura que au Grand Prix suivant à quel point leur évolution est bonne ou pas. Donc ça reste. Le Canada, c'est un peu particulier aussi encore. C'est Espagne-Canada, ouais, ou c'est Canada-Espagne ? Canada d'abord. Avec la multiplication des circuits urbains, hein, chaque circuit est très particulier. Hein, il n'y a plus vraiment de circuit. De toute façon, là, c'est impossible de prédire. C'est tellement serré entre les trois que tout peut basculer d'un camp à l'autre. Comme disait Vasseur, ça se joue maintenant à des pouillèmes de choses, à de l'opérationnel absolument impeccable, à des réglages au millimètre. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut pas que ce soit prévisible. Maintenant, moi, si Red Bull en enchaîne 3 ou 4 de plus, mais que derrière, ça finit à 1 ou 2 secondes derrière, qu'il y a la pression, eh ben, ce sera largement 10 fois mieux que ce qu'on a vécu en 2023. Donc voilà. C'est comme ce qu'on a vu à Imola. Imola, certes, on a vu une victoire de Verstappen, mais c'était. Alors, certes, vous êtes endormi pendant 45 tours ou 50 tours. mais pour ceux qui ont tenu bon, ils ont eu 15 tours de folie à la fin. Et ça, franchement, c'était pas donné même au début de la saison, comme l'a rappelé Alex tout à l'heure. Donc, ouais. On est tous très preneurs et on est tous très contents de voir enfin ça. Et en fait, de se dire qu'on n'aura pas forcément qu'une saison 2025 disputée, mais une saison deux tiers disputée, avant un possible pchit en 2026. Parce qu'en 2026, il y a un tel remaniement qu'on peut très bien avoir une équipe qui nous la joue à la Mercedes 2014 et qui nous domine ça pendant 2-3 ans. C'est pas impossible, malheureusement. Oui. Donc voilà, c'est. Profitons. Bah, sans parler du fait qu'on a un peu un schéma type 2020 avec justement l'équipe dominante qui commence à avoir moins d'avance, en tout cas sur certains circuits. Et il ne faut pas oublier qu'en 2020, ça a donné une victoire de Gasly, une victoire de Perez sur la Racing Point. Donc on a aussi, enfin, c'est pas que dire le titre va être disputé, c'est dire on aura des week-ends possiblement un peu improbables où. Bah, si les top teams sont un peu à l'ouest, on aura des voitures qui vont se mêler. On a vu même les RBF1 déjà qui commencent à être vraiment très très prenantes dans le top 5, top 10. Et c'est quelque chose qui peut arriver. Donc en fait, c'est tout bénef pour tout le monde. Mais après, si au bout du compte, Verstappen gagne, mais dans des conditions comme ça, je m'en fous. J'ai aucun problème avec ça. Parce que de toute façon, c'est qu'il aura fait un meilleur taf que tout le monde. Et on n'aura pas eu une saison où on sera dit, bon, bah en fait, l'intérêt pour nous en tant que spectateurs de tout ça, c'est d'arriver sur un Grand Prix de vendredi en ne sachant pas qui va gagner le dimanche. Après, si c'est toujours le même à la fin, mais que toutes les courses sont disputées, bah, on se dira, bon, bah tant pis, ça a été une saison un peu monotone, mais au moins, les courses ont été belles. Donc c'est vrai que, voilà, après McLaren, de toute façon, je pense qu'eux aussi vont continuer à progresser parce que les évolutions sont encore neuves. Piastri, c'était le premier week-end où il les avait et il fait première ligne, en tout cas, il fait un chrono de première ligne, donc c'est aussi plutôt encourageant. Et pas oublier que McLaren l'an dernier avait fait des points à Monaco avec une voiture qui était complètement à la ramasse, donc c'est aussi encourageant. Je peux pas oublier que Piastri à Miami, hein, sans la safety car, et il aurait pu gagner aussi. Aussi. Donc c'est vrai que c'est... Et oui, Kevin Grosjean, les victoires de Gasly, Perez et les erreurs opérationnelles de Mercedes, mais malgré tout, ça reste quand même, il y a quand même des week-ends où Mercedes n'était pas non plus au top. Alors certes, il y avait des pénalités qu'il y a moins maintenant parce que les voitures sont vraiment de plus en plus fiables, mais les écarts sont aussi beaucoup plus serrés qu'aujourd'hui parce que de base, une AlphaTauri en 2020, elle vaut pas du 4-5 dixième en qualif ou 3 dixième, elle vaut une seconde de moins. Donc il y a quand même la possibilité de voir des choses beaucoup plus serrées. C'est différent, c'est pas la même physionomie. J'ai comparé de manière un peu peut-être grossière parce qu'on n'a pas non plus le temps d'entrer dans les détails et de passer une heure sur chaque équipe. Mais dans l'idée, on a un peloton qui est très serré avec, encore une fois, c'était... En Q2, je crois, il y avait moins d'une demi-seconde entre le top 5 de la Q2 et les derniers éliminés. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très serré. Et encore une fois, à Monaco, par exemple, ça va se jouer sur pas grand-chose. On aura des écarts qui vont être infimes, puisque le tour est vraiment en moins d'une minute 10 ou une minute 10 environ. Et l'an dernier, on avait 4 pilotes en un dixième dans la qualif. Donc là, je pense que cette année, il faut s'attendre encore à quelque chose de particulièrement disputé. Et pourquoi pas une ou deux surprises. L'an dernier, il ne faut pas oublier que Ocon fait podium et top 3 en qualif. Donc, quelques drapeaux rouges aussi, à mon avis. Ouais, voilà. Donc, c'est pas. Alors, Guernat pilote trop enfantin chez McLaren, je vois pas trop pourquoi, parce qu'ils sont jeunes, mais enfantins, j'ai du mal à trouver qu'ils soient enfantins. Ils sont, enfin, après, si tu veux développer dans le chat, tu peux, mais. À Monaco, hein, il y a 50% de risque de pluie samedi prochain. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, ça va être un petit peu tendu. Peut-on imaginer Piastri vainqueur à Monaco, un circuit propice à gommer ses petites faiblesses actuelles sur la gestion des pneus? Évidemment, par exemple, c'est vrai que Monaco annule un peu tout ça parce que c'est une des pistes les plus douces avec les pneus. Et effectivement, ça peut aider à ce que les pilotes qui ont un peu de mal avec la gestion des pneus ou à mettre les pneus en bonne fenêtre pour les économiser puissent faire un peu mieux. Donc c'est pas impossible. Honnêtement, les 6 pilotes des 3 top teams peuvent gagner à Monaco. Ouais, clairement. Même si finalement, si je devais faire des cotes, je pense que je mettrais la moins probable à Perez. Parce que c'est le pilote qui est le plus en danger actuellement, je trouve. C'est pas le maître des circuits urbains, je comprends pas. Mais alors oui, mais des circuits urbains, mais pas tout le temps, pas tous les circuits, plutôt modernes, mais pas dans toutes les circonstances. Donc et pas tous les jours non plus. Et pas tous les jours non plus. Donc voilà, c'est un petit peu. C'est le maître des circuits urbains, mais en fait, t'as une petite étoile à la fin et t'as des conditions en bas. C'était aussi le père de Perez qui avait déclaré il y a 2 ans. Son fils a gagné les Grands Prix que Verstappen n'a pas gagné, c'est-à-dire Monaco, Bakou et Singapour. Ouais, c'est ça. Mais oui, de toute façon, il gagne quand Verstappen ne gagne pas. Mais en fait, si j'oublie de dire, c'est Verstappen gagnait tous les autres. Donc, ça, c'était un petit peu. Oui, mais ça, c'est parce que t'es de mauvaise foi, tu veux pas reconnaître. Et donc, je suis pro Verstappen, c'est bien connu. Donc, passons au vainqueur de Monaco, donc Charles Leclerc et Ferrari. Alors, je voulais juste. J'avais vu une question. Écoute, ça va trop vite dans le chat. C'est quelle gomme ce week-end? Voilà, c'est les gommes les plus tendres. Hein. C'est 3, 4, 5, comme toujours. puisque le circuit n'est pas du tout abrasif. Ferrari, donc effectivement, Leclerc termine 3e, Sainz 5e, les mêmes positions qu'à Miami. Une voiture entièrement évoluée, hein. C'est vrai que là on a vu beaucoup de nouveautés sur la Ferrari de SF24. On a vu du rythme globalement, ça a été plutôt. Alors, eux étaient déçus de la qualif. Très bien parti vendredi, ouais. Voilà, très bien parti vendredi. Ils étaient déçus de la qualif. Leclerc a expliqué qu'ils ont compris une erreur, c'est qu'en fait la voiture prenait 3 dixièmes avant le premier virage. Eux pensaient prendre 3 dixièmes dans le premier secteur, et en fait en regardant les datas, ils se sont rendus compte que la voiture prenait 3 dixièmes avant le premier virage, et ils pensent qu'ils ont mal géré la gestion de la puissance sur les modes moteurs. Le mode qualif aurait peut-être dû apporter plus de puissance en ligne droite, mais en tout cas... C'est donc une erreur qu'ils ont faite qui leur a coûté cher puisqu'ils se qualifient loin. Enfin, loin. Ils se qualifient un peu plus en retrait. Ils partent 3 et 4 en deuxième ligne. Et le Vasseur a dit que s'ils étaient partis en pole, ils auraient gagné. Ou même s'ils étaient partis en première ligne, ils auraient pu gagner. Donc, on en revient à ce qu'on disait sur McLaren. C'est une équipe qui, là aussi, va pouvoir jouer la victoire régulièrement. Et peut-être la pole aussi régulièrement. Et peut-être des week-ends à Monaco, Franck. Oui. Ah bah c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Charles Leclerc, maudit à Monaco, j'espère pas cette année, quoi. Je veux dire, l'histoire serait extrêmement belle. Moi, je suis un petit peu fan de Ferrari, mais aussi fan de Ferrari que Manuel et de McLaren. mais voir la Scuderia gagner, ça fait toujours plaisir. Et si en plus c'est un Monégasque qui pourrait l'emporter chez lui, voilà, enfin un peu de réussite pour lui. Il n'a pas encore gagné cette année, il n'a pas gagné l'année dernière non plus, donc ce serait quand même pas mal qu'il en arrache une. En plus, Leclerc à Monaco, on sait que ça survole. En plus, avec la voiture qu'il a cette année, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire qu'il était déjà très rapide face au Red Bull les deux années précédentes avec une Ferrari qui était moins bien. Là, on a une Ferrari qui est vraiment quasiment équivalente à la Red Bull. Ce que valent les évolutions, on ne le sait pas encore totalement. Ils le sauront après les analyses des données qui ont eu lieu cette semaine. Et encore, ça ne servira pas énormément à Monaco pour faire la différence, parce que Monaco, c'est tellement spécifique en termes de réglage châssis, en termes d'aéro, qui joue beaucoup moins, que là, c'est en place au pilote. Et voilà, donc moi, je mets une petite pièce sur Charles Leclerc à Monaco, parce que, un, j'en ai envie, et deux, parce que j'y crois aussi. Mais voilà, pour revenir sur le week-end de Ferrari à Imola, il est vraiment très très bon aussi. Hein. C'est, je veux dire, les trois top teams, là, jouaient franchement dans le dixième. Il y a effectivement l'erreur de la gestion de l'énergie sur un tour de Ferrari. Effectivement, Red Bull et McLaren jouaient beaucoup plus sur le gain de effectivement sur le bon lancer en termes de puissance moteur sur la sortie des c'est les Rivazza. Voilà, sortie des Rivazza, effectivement, bien bien se lancer sur la ligne droite, et donc certainement garder un peu moins de puissance moteur, enfin un peu moins d'énergie sur le reste du tour. Et effectivement, Ferrari ne prend 3 dixièmes rien que dans le premier secteur là-dessus, alors que ça se joue en très peu de temps. Donc voilà, donc petite erreur stratégique, on va dire, là-dessus, qui coûte cher, hein, puisque voilà, pas de pole égale pas de victoire, hein. Norris l'a compris, et Ferrari aussi. Je pense que les oreilles de Enrico Gualtieri, qui est le responsable du moteur, qui était sur place en plus. Voilà, je pense qu'elles ont peut-être dû siffler un petit peu, en tout cas, il a dû se dire. Enfin, si c'est... encore une fois, ça se confirme, hein. Je pense qu'il n'a pas dû forcément passer un débrief très très agréable. Ah, le problème, c'est que les modes moteurs de Red Bull et McLaren, ils l'acquivent vraiment que en qualif, alors que Ferrari, ils ont plutôt tendance à tester un peu plus avant quand même ce genre de choses. C'est pour ça c'est que vendredi... le fait qu'ils avaient changé le moteur de Leclerc par précaution, est-ce qu'ils n'ont pas été trop conservateurs aussi? Bon, ça, on ne saura pas, mais... Ouais, ils pensent avoir trop cherché la performance ce vendredi, entre guillemets, pas trop dans le sens où il fallait pas, mais dans le sens où du coup ça a donné une image un peu positive de la voiture plus que ce qu'elle était en qualif. Mais effectivement, le samedi ils étaient déçus parce qu'ils comprenaient pas pourquoi ils avaient autant pris, et le dimanche ils avaient compris pourquoi ils avaient autant pris. Donc sur le rassurant du coup. Ouais, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'ils savent que la voiture n'a pas de déficit intrinsèque, mais que c'était juste une question d'exploitation. Donc là encore, bah, pour Monaco, c'est quand même plutôt rassurant. Sainz était alors un petit peu en retrait tout le long du week-end. Ça n'a pas non plus été un mauvais week-end pour eux, mais pas pour lui. Mais il dit quand même qu'il a fait son pire week-end de la saison. Alors il a quand même été derrière Leclerc d'une grosse partie de la course, mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi à accélérer quand Charles l'a fait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui, Alex, ou est-ce que tu penses que il n'est pas non plus en train de partir dans une mauvaise spirale, on va dire? Non, bah je pense que c'est comme tu en as parlé un petit peu avant, hein, sur la. Sainz est la régularité d'une saison. Hein. Sainz, c'est quelqu'un qui peut alterner des excellents grands prix. Hein. Donc, il a encore prouvé cette année à Melbourne. Et puis, quelqu'un qui est aussi un peu moins régulier hein, sur la longueur d'une saison. Hein, c'est... Même si je pense qu'il est, qu'il a quand même affiché une meilleure forme cette année que l'an dernier. Donc pour moi, c'est... je pense qu'on a un meilleur Saints que l'an dernier, mais qui reste encore un Saints, c'est-à-dire avec son, son irrégularité, alors qu'on a un Leclerc qui reste, même s'il a eu un coup de main en qualification avant Shanghai, qui reste là, très régulier et qui est pour moi, comme tu l'as dit, hein, le pilote le plus fiable pour viser le titre sur la longueur d'une saison. On sait qu'en F1, on a la mémoire courte. C'est normal, on n'est jamais meilleur qu'après sa dernière course. Mais voilà, c'est... je ne pense pas que Sainz puisse changer subitement et devenir le numéro 1 absolu chez, chez Ferrari. Il aura toujours ses pics de performance qui vont peut-être aller en s'empirant au fur et à mesure qu'il sera exclu de plus en plus de débriefs cette année. Mais en tout cas, il, bon, il a quand même fait un bon travail. Hein. Ferrari et McLaren ont des paires de pilotes très solides. Alors surtout Ferrari, hein, plus Ferrari que McLaren quand même. Tandis que Red Bull aurait, serait numéro 3 sur, sur, sur les top 10 parce qu'on a un Pérez qui semble encore trop fragile. Du coup, Guy a fait poser la question deux fois, donc c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, on va y répondre. Charles Leclerc avait un nouvel ingénieur ce week-end qui a l'air assez différent. Il y a une petite vidéo compile de ses interventions où il est très très interventionniste pour dire à Leclerc que tout va bien et qu'il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai que Franck, toi, t'as dit que ça t'aurait saoulé, mais ça a l'air assez positif. Après, je sais pas, Leclerc n'a pas fait trop de débrief pour l'instant. Je pense qu'il doit voir aussi comment ça s'est passé globalement, mais on voit une volonté de changer la manière de driver les courses de Leclerc. Est-ce que lui en a peut-être besoin aussi de se faire un peu plus driver tout le long du week-end et spécialement en course. Est-ce que ça peut lui apporter aussi quelque chose? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir écarté Xavier Marcos qui était là depuis longtemps et peut-être qu'il y avait quand même quelques soucis qui persistaient? Oui, alors Leclerc dit qu'il a pris ça juste après Miami. Je suppose quand même qu'il était un petit peu en discussion parce que je pense qu'on ne lui impose pas un nouvel ingénieur de course comme ça du jour au lendemain sans qu'il soit un petit peu consulté. Bon, après, Brian Bozzi, c'est ça qu'il s'appelle ? Oui, c'est ça. Il n'est pas un inconnu, c'était son ingénieur performance avant. Donc, il le consultait aussi énormément. C'était pas ça. C'était pas effectivement la voix qu'il avait dans les oreilles, mais c'était presque la deuxième voix qui murmurait à l'oreille de la voix qu'il avait. C'est ça, donc c'était le téléphone arabe un petit peu. Voilà, après, je suppose qu'ils vont se mettre un petit peu au diapason en termes d'échange pendant la course. A priori, sur cette course-là, il n'y a pas énormément non plus de choses à gérer en termes de stratégie, notamment pneumatique, puisque c'était quand même assez clair ce qu'il fallait faire. Donc, ce n'est pas sur ce genre de course-là qu'on va voir un peu de tension montée parce que c'était pas la course était extrêmement claire sur ce qu'il fallait dérouler en termes de stratégie. Après, sur les indications qu'il demande, si Leclerc souhaite effectivement qu'il soit rassuré régulièrement sur le fait qu'il est dans le bon rythme ou qu'il est dans le rythme souhaité, bah, c'est parfait. Je pense aussi qu'il a dû briefer un petit peu Brian sur le nombre d'interventions qu'il voulait à la radio, sur le genre de choses qu'il fallait qu'il surveille et tout. Donc voilà, c'est quand même des choses qui se répètent un petit peu avant. Il n'a pas découvert en course comment son ex-ingénieur performance allait se comporter avec lui. Je veux dire, moi, après, effectivement, il y aura des ajustements. Là, tu as peut-être trop parlé, tu n'as peut-être pas assez parlé. Maintenant, la course a été extrêmement bien réussie. La course a été extrêmement bien réussie du côté de Ferrari, mais là, le I come back to you, effectivement, on n'en a pas eu besoin non plus. On n'en a pas eu besoin non plus. Il faudrait voir sur une course plus tendue. Voilà, plus difficile stratégiquement pour voir comment ça se gère. Là, c'est extrêmement straight. Hein, c'est-à-dire que ça filait droit. Il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Donc, au moins pour débuter l'association, c'était assez facile, on va dire. Voilà, donc bah, si ce choix-là a été fait, on va pas revenir en arrière. Hein, c'est très rarement le cas en Formule 1. Enfin, j'ai pas de souvenir comme ça qui me revient en tête de situations qui ont été inversées. En tout cas, donc a priori, voilà, bah, ça démarre bien et espérons pour ce duo-là qu'il devienne un duo iconique de la Formule 1, comme Bonington et Hamilton, comme Lambiaz et Verstappen. Voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est ça. Alors du coup, on va peut-être finir Ferrari ou commencer Mercedes par un point transfert Sainz, puisque c'est lié de manière... enfin, vraiment, les deux sont liés, parce qu'en fait, Ferrari, donc, je vois qu'il y a... dans le chat, la question a été posée, Sainz pourrait aller chez Haas, moi j'ai pas du tout entendu ça. Je sais pas si vous avez entendu cette rumeur, mais en tout cas, moi j'ai pas du tout entendu. Par contre, on sait qu'il n'ira pas chez Mercedes, puisqu'il a été écarté par Toto Wolff. Donc du coup, on va commencer Mercedes en parlant d'un pilote Ferrari, mais bon, c'est un petit peu le point transfert. Vas-y, Franck, du coup, si tu veux nous dire un peu plus de ce que tu... Oui, sauf si Sainz attend l'été ou l'automne pour se décider, ce qui semble, à mon avis, très, très, très peu probable. Ouais. Toto Wolff a dit clairement que voilà, il adorait, il estimait un très haut niveau Carlos Sainz, mais il désire attendre. Et donc ça veut dire que Carlos Sainz, malheureusement, il n'a plus que deux solutions, on va dire. C'est espérer que la porte s'ouvre chez Red Bull. Ce qui veut donc dire que Horner sait où il va avec Verstappen, ce qui est donc pas non plus gagné non plus sur le court terme. Soit accepter l'offre d'Audi, puisque Audi a fait de Sainz son objectif prioritaire numéro un, très important. Voilà, ce sont les mots exacts utilisés par Aluni Bravi et par Andrea Seidel pendant ce week-end à Imola. Donc voilà, il y a aucun mystère. On voit un duo Sainz-Hülkenberg chez Audi et voilà, est-ce que Carlos Sainz peut se permettre de trop jouer la montre? Je crois pas. Je crois effectivement que son rêve de rejoindre tout, enfin de rester en tout cas dans un top team, parce qu'on peut comprendre effectivement sa frustration de devoir quitter le projet Ferrari alors que ça commence seulement à vraiment performer. Le pauvre, il y est pour rien. Et d'ailleurs, Vasseur lui-même est un des premiers désolés pour lui, mais on peut pas passer à côté d'Anna Hamilton. Donc voilà, c'était clair, c'était fait, c'était tranché. Il y a pas de choix. Mais voilà, Sainz a malheureusement deux choix clairs, on va dire, c'est attendre ou signer chez Audi. Et attendre, pour moi, c'est un gros risque parce que chez Red Bull, rien ne va dire qu'il pourrait être retenu, même si Verstappen reste et que Perez reste, bah voilà, il serait marron. Et chez Mercedes, soit on attend Verstappen en 2025, soit en 2026, soit pas du tout. Et on a de toute façon l'atout, le joker, on a l'excellent Andrea Kimi Antonelli qui a reçu énormément de louanges de la part de James Allison en conférence de presse. De son rythme métronomique en essai. C'est ça, quelqu'un qui est vraiment bluffé, voilà, qui apparemment aurait bien atomisé aussi Mick Schumacher lors des essais à Silverstone, ce qui veut quand même dire grand chose. C'est qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'au bout de deux ou trois tours, les ingénieurs avaient l'impression que ce gars-là était en F1 depuis des lustres. Donc on peut comprendre que Toto Wolff a peut-être envie d'en savoir plus, et lui, il a tout intérêt à jouer la montre. Un bien du sûr. Côté de Verstappen, du coup, et Dieu du côté du développement d'Antonelli, aussi bien en F2 que lors de tous ces tests F1 qu'il va pouvoir faire. Donc Toto Wolff, du coup, est dans une position extrêmement privilégiée. Il a dit, il a son top pilote qui est George Russell, donc ça, il a son number one actuel, ce qui pourrait devenir un number one ex aequo si Verstappen arrivait. Et voilà, et à côté de ça, il y a l'opération séduction qui continue. Si vous avez lu effectivement sur Next Gen Auto la dernière article du jour, qui est le programme 2026 se déroule absolument parfaitement, à merveille, toutes les planètes s'alignent, entre guillemets. On se sent comme en 2013 presque. Voilà, c'est même mieux, même mieux qu'en 2014. Donc voilà, si vous êtes un très grand pilote de Formule 1, triple champion du monde, et que vous pensez à changer d'équipe, on aurait éventuellement une place pour vous. Voilà. Si vous êtes néerlandais, vous vous reconnaîtrez dans ce message. Voilà. C'est la danse du ventre, et c'est le gros paradoxe d'une équipe qui en perd de vitesse, qui se présente comme la plus attractive, mais sur le papier, c'est crédible. C'est ça le pire. Mais attention à ne pas se voir trop beau aussi. Hein, du coup. Oui, oui, bah oui. Tout à fait. Donc voilà pour le petit point transfert chez Mercedes. C'est vraiment très, très limité à ça. Hein, voilà. Mario Zero a raison. C'est fou de se dire que leur voiture est à moitié merguez, mais que ce sont eux qui ont la plus grande latitude pour choisir leur pilote. Et c'est pas faux. Après, Alka dit si Sainz n'avait pas fait le coq avec Ferrari, il serait chez Ferrari. Alors c'est vrai qu'il s'est un peu vu beau en leur mettant la pression en disant je vais peut-être partir chez Audi. Le fait est qu'il a fait ça au moment où Vasseur avait des discussions avec Hamilton. Et de toute façon, je pense que même s'il avait eu un discours plus corporate et plus passionné, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Je pense que quand t'as Hamilton qui peut venir, tu fais venir Hamilton. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Enfin, il voulait savoir avant 2024 ce qu'il allait faire en 2025. Bah voilà, il s'est servi. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il voulait. Tu seras pas chez nous, c'est tout. C'est vrai qu'il a eu la réponse qu'il attendait. Enfin, il a eu une partie de la réponse qu'il attendait, peut-être pas l'autre. Mais voilà, après, de toute façon. Alka dit Russell Max serait le pire duo possible. Bah, moi, je penserais plutôt le meilleur, mais après. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent bien, oui, ce serait un petit peu tendu, mais de toute façon, quand tu vas mettre deux pilotes qui peuvent jouer le titre ensemble, bien sûr, ce sera tendu, ça sera toujours. La seule solution, c'est de faire comme Red Bull, de mettre un vrai numéro 2. Mais on voit qu'un vrai numéro 2, ça a aussi des limites dans un autre sens, qui est celui de la performance. Donc. Mercedes a toujours eu pour, enfin a toujours eu, presque toujours eu la volonté de mettre deux pilotes qui pouvaient jouer le titre. Quand c'était Bottas, ben on voyait qu'il y avait des gros problèmes aussi, qui étaient que Bottas ne faisait pas ce qu'il fallait pour défendre Hamilton. Donc malgré tout, c'est un petit peu le problème qu'on a quand on met un vrai numéro 2, on en revient toujours à ça. Et quand c'était Rosberg, ça s'est quand même pas trop mal passé à part quelques accrochages. Ouais. Il y a eu 3-4 accrochages en 3 ans où ils ont joué le titre l'un contre l'autre, ce qui est pas, c'est pas horrible en fait. Quand tu as une voiture qui la domine largement, ça leur a rien coûté à part un peu de carbone, donc c'est pas un drame en fait. Et à côté de ça, oui, il faudrait que Verstappen apprenne, et là je vais me faire des ennemis encore, mais apprenne à faire une bataille en piste sans foutre son adversaire ou équipier dehors, et que Russell soit aussi de bonne volonté, parce qu'on ne sait pas encore si Russell ne serait pas un petit peu de mauvaise volonté en bataille en piste. Mais après, avec une bonne gestion du duo de pilotes, ils peuvent aussi avoir le meilleur duo sur la grille. Parce que Russell, il ne faut pas oublier que tout le monde en dit un peu du mal actuellement, mais ça reste un monstre de qualif, et ça reste un mec qui est capable de matcher un septuple champion du monde tranquillement, week-end après week-end depuis deux saisons et un tiers. Et Verstappen, c'est le meilleur pilote du moment, tout simplement. Donc, ça peut faire sur le papier, ça peut faire le meilleur duo du plateau. Donc voilà, c'est un petit peu compréhensible. En attendant ces jours meilleurs, Mercedes vit quand même des week-ends un petit peu compliqués, malgré le fait qu'ils ont là, encore une fois, peut-être un des meilleurs duos du plateau, hein, parce que c'est pas parce que la voiture fait 6e et 7e à l'arrivée du Grand Prix d'Imola que Hamilton et Russell ont oublié comment faire de la Formule 1. Au contraire, je pense que s'ils n'avaient pas ces pilotes là ils feraient moins bien que ce qu'ils font actuellement. Maintenant c'est vrai que Mercedes est la quatrième force, ils sont pas exactement dans un no man's land. Hamilton a dit qu'il voyait quand même des pilotes pas loin devant lui, des pilotes pas loin derrière, mais sur le papier ils sont clairement largement devant le peloton ou qu'a rejoint Aston Martin, on y reviendra plus tard ce week-end, mais ils sont loin derrière le top 3 quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez pour la perspective de cette saison pour eux. Je nuance quand même ton loin derrière le top 3, parce que je... Alors, tu sais qu'il y a les méthodes coup de Toto Wolff que tu commences un petit peu à détester à force. Tu sais que ça me fatigue. Oui, extrêmement fatigant, mais James Allison a l'air d'avoir le même discours aussi quand même. Les pilotes aussi, c'est que ils ont l'air quand même vraiment d'avoir compris ce qui cloche maintenant, à force d'avoir été d'un extrême à l'autre. Ils ont quand même corrigé le concept, et ils ont l'air d'avoir compris effectivement ce que cette... W15 nécessite en termes de pièces. C'est quand même ce qui ressort un peu des déclarations, et du coup il y a des choses qui arrivent, qui sont dans les tuyaux, c'est pour plusieurs courses, ça a été dit dès après Miami, et l'écart se réduit quand même un petit peu en termes de rythme de course, en termes de rythme qualif par rapport au top 3. Ils ont d'ailleurs vraiment distancé Aston Martin pour le coup, et si par miracle cette fois-ci effectivement les prédictions de Allison et Wolff se concrétisent bien par un package de développement qui corrige correctement à tous les défauts de la W15, on peut espérer qu'ils recollent au top 3. Je ne dis pas qu'ils les dépasseront, évidemment, mais au moins recoller et être juste derrière. Alors, je peux vous lire des déclarations, si on fait un peu l'historique de Lewis Hamilton. Donc, après Imola, il a dit que Mercedes avait trouvé son étoile polaire. Je vous lis les déclarations. Donc, c'était Manu qui avait écrit l'article. En février 2024, Hamilton avait dit « Nous avons enfin trouvé, cela nous a permis de trouver notre étoile polaire ». Article de mai 2023, Lewis Hamilton, après Barcelone, j'ai l'impression que l'équipe a maintenant une étoile polaire, elle sait exactement où elle est et nous travaillons sur la façon d'y arriver. Novembre 2023, je crois que nous avons désormais une étoile polaire, c'est comme ça que nous avons depuis 2 ans. Donc si on fait l'historique des étoiles polaires, alors c'est une constellation. Les 4, ça fait Vendôme. Donc voilà, c'est la constellation du bullshit ou la constellation. Mais 9 mai 2022, enfin bref, j'attends de voir. Mais moi, le problème que ça me pose dans tout ça, c'est que Wolff a beau nous dire oui, la voiture est meilleure, c'est une meilleure plateforme et tout ça. S'ils arrivent à tout mettre bout à bout, ils retrouveront leur niveau de début 2023, qui était on joue quelques podiums de temps en temps et on joue parfois la pole. En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète de Mercedes, c'est qu'on a beau nous dire, nous passer la pommade en disant mais vous en faites pas vraiment, la voiture elle est incroyable, c'est juste que pour l'instant, on l'exploite pas comme il faut. En fait, ce qui nous vendait comme un tas de merde l'an dernier, qui était la W14, elle faisait des podiums, elle faisait des premières lignes, elle faisait des choses comme ça. Et elle a été évoluée, ça n'avait pas allé dans le bon sens, parce que finalement, elle a fait, alors ça, la première course avec ses évolutions, elle fait 2 et 3 en Espagne, la première vraie course, mais derrière, c'est une catastrophe, et là, on nous vend une voiture qui est mieux, plus saine, plus stable et tout ça, mais juste, on n'a pas débloqué. Le fait est que, tant qu'ils débloquent pas, ils sont à des années-lumière du niveau qui était leur l'an dernier, en début de saison. Et moi, ça m'inquiète un peu pour Mercedes, qu'ils soient incapables de comprendre, et que, en fait, pour l'instant, moi, je suis d'accord avec toi, Alex, il y a un beau discours, on a trouvé l'étoile polaire, on a une plateforme stable et tout ça, et le coup de la plateforme stable, on nous le vendait aussi l'an dernier quand ils ont amené la grosse évolution de Monaco, qui était censée être celle d'Imola et qui a bien fonctionné en Espagne, où on avait un double podium, on avait des pilotes pas loin de la première ligne, et on nous disait, ça y est, on a une bonne plateforme, ça va bien se développer, tout ça. Le fait est que, pour moi, ça continue à ne pas aller très bien, donc j'ai un en peu relatif, peur que... En relatif, je suis d'accord avec toi, maintenant en performance pure, ça va quand même nettement plus vite que l'an dernier. Oui, donc, c'est plus proche des meilleurs, c'est mais, vrai. Mais Red Bull, Ferrari et McLaren, ils ont quand même bien plus accéléré, on est d'accord. Mercedes n'a pas autant accéléré, mais en termes de rythme pur, ça va quand même bien plus vite. Maintenant, on n'est pas dans le secret des équipes. Si on veut pas boire aux paroles de Wolff, je peux le comprendre, mais si même James Allison se met à mentir, c'est pas trop le personnage en tout cas, sauf s'il est vraiment en train de sauver sa peau une deuxième fois. Voilà, on peut en tout cas espérer pour eux que ça aille mieux. Voilà, c'est maintenant, c'est voilà, c'est à voir, effectivement. C'est comme vous, c'est à voir maintenant dans le au moment de la sortie de ce gros package qui devrait arriver. Je sais pas pour quand, je sais pas si ça va être pour l'Espagne, pour Silverstone. Enfin, ils ont pas annoncé de date. Silverstone, je crois, ça a été évoqué à Silverstone, ouais. Il me semble. Voilà, donc à ce moment-là, on jugera sur pièce à Silverstone ce que vaut cette W15 évoluée, enfin Silverstone et les courses qui suivent, et on verra si ça a été encore du bullshit ou si effectivement bah, ils avaient bien cerné enfin ça. Ouais. Voilà, et je pense que plus que la place qu'ils feront, c'est surtout prouver à un certain Max V que ils sont de retour dans le bon sens. Je pense que c'est clairement ça qui jouera sur la signature de Verstappen ou pas. Et bon, après, on a beaucoup d'équipes à voir, donc on va pas trop s'éterniser sur Mercedes. On est tous d'accord qu'on est un peu sceptique, mais je terminerai le chapitre Mercedes avec la magnifique van de Otago qui dit c'est la seule équipe qui trouve sans cesse une nouvelle étoile polaire pour être finalement constamment à l'ouest. Et je trouve ça plutôt très bien pensé. En tout cas, voilà, donc Mercedes, c'était la quatrième force, qui n'est pas non plus catastrophe, hein, encore une fois, on n'est pas, c'est juste décevant par rapport à ce qu'ils étaient, mais c'est une fin de cycle. Ils sont dans une place qui, finalement, celle qu'avait Red Bull entre ces deux cycles de domination, donc c'est pas non plus une catastrophe pour Mercedes, et ça va pas devenir une équipe de fond de grille dans les prochains mois. Mais ils sont derrière des clients, ce qui fait toujours un petit peu désordre. Ils sont quand même devant un autre client qui est Aston Martin, qui a vécu un week-end particulièrement compliqué avec aussi eux des évolutions, et c'est ça qui est un peu inquiétant, avec un Fernando Alonso qui a été l'ombre de lui-même tout le long du week-end, qui fait dernier. Il a dernier... beaucoup aimé le gravier, lui. Oui, c'était un petit peu compliqué. Alors, Lance Stroll est la valeur sûre de l'équipe, la valeur étalon de l'équipe pour ce week-end, ce qui n'est pas forcément rassurant, hein, puisqu'il fait 9e. Peut-être qu'Alonso aurait pu faire mieux. Le fait, c'est qu'Alonso fait dernier en qualif. Il doit sa 19e place au classement des qualifs à Logan Sargeant, qui se fait annuler un tour rapide. Mais et il part des stands, puisque du coup, ils ont dit bah, perdu pour perdu. Ils savaient très bien que les points n'étaient pas jouables en partant dernier, et ils ont fait un laboratoire géant dans la MR24 de Alonso. Mais du coup, ça fait un week-end vraiment désordre pour Aston Martin, qui était pour moi totalement ramené dans le groupe qui est le groupe, bah, le peloton derrière, en fait. Hein. Je pense que là, au début de saison, ça jouait avec Mercedes. Aujourd'hui, ça joue plutôt contre RBF1, Haas et Alpine pour Aston Martin, Alex. C'est le narratif de la saison dernière, à savoir on commence plutôt bien et on n'arrive pas à développer. Hein. Pour l'instant, c'est exactement cela en pire, hein, pour Aston Martin, parce qu'ils n'ont pas aussi bien commencé et ils ne développent pas aussi bien que... Enfin, ils développent pareillement, c'est-à-dire pas bien du tout comme l'an dernier. Donc voilà, hein, forcément, il y a des questions qui vont se poser. Est-ce que Laurent Stroll ne va pas être agacé? La question qu'on va se poser chez Aston Martin, c'est si McLaren y arrive, pourquoi pas nous? Alors, je pense qu'on peut l'expliquer par le fait qu'ils arrivent dans une nouvelle usine, qu'ils sont encore en train de mettre à jour les infrastructures, etc. Mais c'est vrai que je pense que pour Lawrence Stroll, il doit avoir une once de déception, à savoir, mais pourquoi moi, j'y arrive pas alors que j'ai tout fait pour? Et effectivement, il a tout fait pour. Ce n'est pas à lui de gérer le quotidien, ce n'est pas lui qui va dessiner les pièces de carbone. Je pense que l'horreur viendra, qu'il y a tous les éléments en place, enfin, sauf un dans un baquet. Mais sinon... C'est ça le problème, hein, le problème d'Aston Martin. On se disait, bon, ben voilà, c'est une très bonne équipe, ils ont tout en place, et ce qu'il leur faut, c'est un bon deuxième pilote. Là, on voit qu'effectivement, une équipe de F1, c'est un peu le syndrome Jaguar. Hein, il ne suffit pas de mettre le budget qu'il faut, et tous les ans, il faut aussi une bonne organisation, une bonne culture, des bonnes infrastructures. Bon, ils l'ont fait l'an dernier. Voilà, je pense que structurellement, il y a tous les moyens pour que ça se mette en place. Le problème, c'est que la concurrence est beaucoup plus rude. Et chez Aston Martin, on a aussi Sam Allardyce qui le rappelait. Hein, s'ils étaient aussi beaux l'an dernier, c'était parce que les autres s'étaient ramassés. Donc forcément, maintenant que les autres sont remis au niveau, il faut d'autant plus performer. Et je pense que Aston Martin, il ne faut pas vivre non plus un peu sur l'illusion toujours de l'an dernier. Il faut se dire que voilà, il faut se retrousser. Est-ce que l'organisation est la bonne? Est-ce qu'il ne faut pas changer l'organisation puisqu'il y a une nouvelle usine? Je pense que c'est des questions qui vont commencer à trotter dans la tête de Lawrence Stroll. Il n'est pas là, hein, il a dit. Hein, il n'est pas là pour faire cinquième, il n'est même pas là pour faire quatrième, il est là pour gagner. Donc, combien de temps encore il attendra avant de tout chambouler? Voilà, ça, c'est une question. Mais il découvre clairement la complexité de la Formule 1 et le niveau stratosphérique qu'il faut avoir. On oublie, en fait, c'est vrai qu'on on peut être rapide à taper sur les équipes quand elles ne font pas des bons résultats, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme le dit très, très clairement Mike Crack, et avec pour moi beaucoup d'introspection et de recul, c'est que si Aston Martin a fait mieux l'an dernier, c'est parce que les autres équipes n'avaient pas encore leur plein potentiel, et on voit en fait le niveau énorme auquel fonctionnent les équipes qui dominent en F1, hein, que ce soit Red Bull qui sort d'une période de domination et qui a encore la référence grâce à Max Verstappen, ou les autres qui sont en train de faire des progrès à pas de géant depuis un an et demi, parce que Ferrari et McLaren font un taf incroyable. Mais en fait, faut voir à quel point la F1 est à un niveau monumental pour les équipes qui fonctionnent. Et c'est vrai qu'Aston Martin se heurte un petit peu à cette réalité-là depuis le début de saison, et particulièrement même depuis l'an dernier, quand ils n'arrivent pas à amener des évolutions qui les font réellement progresser. Et c'est un petit peu... pour moi, c'est le département technique qui doit maintenant réussir à comprendre comment exploiter et faire avancer sa voiture, Franck. Oui, alors après, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Je reviens juste un petit peu sur le Grand Prix, sur le fait que c'était ce premier Grand Prix, c'était le premier Grand Prix avec ces évolutions-là. Ne jouons pas non plus trop vite les évolutions sur un Grand Prix. On a bien vu ce qui est arrivé à Red Bull vendredi. Je ne crois pas que Aston Martin ait la capacité, en termes de simulateur, de simulation et de pilotes mobilisés du côté de Silverstone, parce que leur équipe est à Silverstone, de réagir aussi comme le fait Red Bull. Donc on ne va pas juger sur un seul Grand Prix ces évolutions-là. On va attendre 2-3 Grands Prix quand même avant de voir si effectivement c'est à jeter ou si ça va dans le bon sens. C'est une question de réglage et de compréhension des nouvelles pièces. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est un fait, c'est que ces évolutions-là, telles qu'elles ont été exploitées à Imola, ont rendu la voiture extrêmement difficile à piloter. C'est le constat qu'on peut faire après ce Grand Prix-là. Maintenant, attendons 2 ou 3... Oh, je parle toujours de Monaco, on va totalement mettre de côté, hein, sur l'analyse des performances, parce que c'est tellement particulier. Mais attendons le Canada et surtout l'Espagne pour voir ce que vaut effectivement l'Aston Martin évoluer, si c'est allé dans le bon sens ou pas du tout. Sur un seul Grand Prix, je suis désolé, on va pas juger l'évolution technique d'Aston Martin. Pour moi, ce serait vraiment vous mentir de dire que les évolutions ont totalement foiré ou pas. D'ailleurs, Mike Crack l'a dit encore aujourd'hui, c'est pas hors de question de faire machine arrière après un seul Grand Prix. Je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on va se décider pour dire on est allé dans le mauvais sens ou pas. Maintenant, si c'est une impasse dans le développement, ça sera constaté assez rapidement, je pense, deux trois courses. À ce moment-là, effectivement, il faudra changer de fusil d'épaule. Et en attendant, sur Imola, pur et dur, pas de conclusion hâtive. Voilà. Le problème, c'est qu'ils n'ont qu'une épaule, hein, chez Aston Martin. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué de savoir ce qu'aurait donné un très très bon week-end de Fernando Alonso, finalement, s'il n'avait pas été complètement à la ramasse dès le début. Parce que quand on se dit Stroll termine 9e, est-ce que Alonso, dans un bon jour, aurait pas tout simplement joué avec les Mercedes? Mais, en fait, on sait que quand Alonso ça part mal, c'est un week-end, et qu'il est mal luné ou que ça va pas, c'est tout le week-end qui en pâtit. C'est vrai. Déjà, il est comme ça. Donc, déjà, dès après les qualifications, il a dit moi, je pense même pas au Grand Prix, je pense à Monaco. Voilà, quand il est dans cet état-là. Psychologiquement parlant, il ne faut pas lui demander plus. Non. Il sait qu'il est gavé et passe à autre chose. Mais il est de très bon. par contre, il est de très bonne composition pour travailler. Et effectivement, il a passé son dimanche à travailler sur comment avoir de la perf. Il a fait beaucoup de relais en tendre pour travailler sur la performance pure. Enfin, il a fait 2 relais en tendre, je crois. Mais même pas réussi à choper le meilleur tour à Mercedes. Non, c'est vrai. Mais je pense qu'il était un peu rincé en fin de course. Mais par contre, du coup, ils ont beaucoup travaillé sur la qualif de Monaco, parce qu'il a dit on peut pas se permettre à Monaco de revivre le même problème. Et lui, du coup, son objectif, c'est samedi Monaco, 15h, on fait les meilleurs tours et on rentre en Q3 et on joue le top 5. Quoi. Donc, sauf que l'Aston n'est pas aussi bonne que l'an dernier et gagner Monaco, ça sera normalement pas possible cette année. Non, mais bon. Gagner, non, mais après, je pense que ça peut jouer. Enfin, il peut essayer de jouer un top. S'il pleut en qualif samedi, hein, ouais. Tout peut arriver. Et même s'il oui, pleut pas, il peut. On va dire qu'il peut jouer. Pas forcément de top 5, parce que le top 5 est bien pris, mais peut-être devant Perez, notamment. Ouais, sur le sec, non. Ouais. Tout peut arriver, y compris rien. C'est ça. Bah non, Perez, roi des circuits urbains, pas dans le top 6 à Monaco Non, moi, ça en mettrait fort sur son ego quand même. Faut oublier que l'an dernier, Perez, c'est crash en cul. Hein. Donc, c'est pas... C'est un petit peu compliqué. Effectivement, après, Alka a raison. C'est vrai qu'Alonso était à peine mieux que Stroll à Miami. Et on peut y voir peut-être ouais, un petit peu moins bonne aisance avec les évolutions aussi. 42 ans, les gars, 42 ans. Ouais, mais n'oublie pas qu'il est au moins jusqu'à 44. Hein. Donc, non, mais bon, c'est un petit peu. Après, c'est vrai qu'il va quand même falloir résoudre ce problème Stroll un jour et tout simplement s'en débarrasser, je pense. Mais... Je plaisantais pour ceux qui voudraient me coûter sur 42 ans. Voilà, sans 42 ans, on est finito. Hein. C'est ça. C'est évident. Voilà pour Aston Martin. Bon, c'est vrai qu'après, il n'y a pas encore péri dans la demeure, comme on dit, mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour eux de voir que ça, chaque évolution n'amène pas ce qu'on veut et n'amène pas forcément de la performance pour Alonso, qui est quand même leur référence et qui est celui pour qui ils devraient travailler à chaque fois et faire en sorte que ça aille mieux. On a eu une très bonne équipe RBF1 aussi, avec Tsunoda qui finit 10e et Ricciardo 13e. Ils sont tous les deux rentrés en Q3. Mauvais départ des deux, ce qui fait que ça leur coûte cher en course, parce qu'ils pensent qu'avec un bon départ, ils auraient pu viser, alors pas forcément beaucoup mieux, parce qu'il y a quand même 4 top teams devant, mais ils pensent qu'ils auraient pu viser au moins la 9e place, voire aller chercher Perez, en tout cas en restant un peu plus loin devant lui tout le long de la course. Et c'est vrai qu'on a vu un Tsunoda de gala presque le vendredi et le samedi, avec des très très bons tours. Il était en bonne position en essai libre. Ricciardo était un petit peu en retrait, mais c'était pas non plus mauvais. Encore une fois, les deux rentrent en Q3, et c'est les deux voitures en Q3, c'était pas le cas par exemple de Red Bull, donc ça reste une très très bonne performance. En tout cas, ils marquent un point qui leur permet toujours de creuser un petit peu leur avance aussi sur le reste du peloton. Est-ce qu'on est face à RBF1 sur la meilleure équipe du deuxième peloton, et est-ce que Franck, toi, tu penses qu'ils peuvent aller chatouiller notamment Aston Martin à la régulière sur le reste de la saison? Oui, c'est tout à fait possible. Après, je vais plutôt laisser Alex répondre sur ce sujet-là, parce qu'il a fait un très très bel article cet après-midi qui résume un petit peu la position actuelle du RBF1. Donc, pas qu'on y passe deux heures non plus, je vais tout de suite te donner la parole. Oui, donc dans cet article, donc Mekies, qui est donc le nouveau directeur d'équipe, disait notre but à moyen et long terme, c'était d'être le meilleur des autres, et il constate qu'ils sont déjà les meilleurs des autres. Hein, donc ils sont en avance hein, de, on peut le dire, de 1, 2, 3 saisons sur leur plan initial. Hein, donc c'est dû à quoi? Bah, c'est dû à un excellent travail durant l'hiver. On se souvient quand même au début de cet hiver, Mekies disait. Enfin, il y avait tout un narratif sur la RBF1 qui serait entre guillemets trop proche de la Red Bull. Finalement, les premières performances ont fait taire cette polémique. Moi, j'attends le début de la prochaine polémique dès qu'ils feront un petit podium, dès qu'ils se mettront à touche-touche avec Mercedes, voire encore mieux, on ne sait jamais. On peut parier sur, sachant qu'il y a les accords Concorde qui sont en train de négocier, donc ce ne serait pas le meilleur timing pour l'avenir, mais voilà, donc c'est ce que disait Mekies. Donc on est en avance sur le planning, cependant il était quand même prudent, il disait qu'on sait bien que ça va varier en fonction du rythme de développement, il regardait plus derrière que devant quand même. Alors est-ce que c'était de la fausse prudence, de la fausse modestie, est-ce que c'était, il disait voilà, lorsque Steak apportera des évolutions, lorsque Williams et As apportant des évolutions, on fera des pushbacks, c'est le terme anglais, donc on fera des reculs, et donc ils ne regardent pas encore devant. Mais ils semblent prudents, ils semblent étonnés, ils sont aussi fiers hein, de leur renouveau. Et puis voilà, c'est aussi, Mekies, il dressait des éloges sur Tsunoda en disant, voilà, il est rapide, ça on le savait, mais maintenant il est mature. Et c'est la grande différence par rapport à précédemment, même Tsunoda l'a dit, hein, je ne sais plus à propos de quel incident, il disait, voilà, il y a quelques années, je me serais énervé, le résultat. Par rapport au fait qu'il était bloqué en début de course derrière une voiture lente, ouais. Voilà, donc effectivement, et puis on a Ricardo, alors bah, ça c'est le grand mystère du changement de châssis. Est-ce qu'il y avait vraiment un loup sur son châssis ou est-ce que c'était un châssis psychologique? On ne sait pas. En tout cas, le fait est que parfois, par l'effet placebo, ça fonctionne. Et bon, c'était mieux en qualif, c'était un peu moins mieux en course, mais en tout cas, c'était mieux en qualif. Et puis enfin, mais qu'est-ce qu'il parlait de l'apport d'Alan Perman? Et c'est vrai que sur le plan opérationnel, donc Alan Perman, qui est l'ancien directeur sportif d'Alpine, qui est resté très longues années à Enstone et qui est donc désormais dans à peu près le même rôle chez RBF1, il disait que voilà, Perman avait déjà un impact assez significatif dans l'équipe. Voilà, on veut bien le croire, puisque de toute façon les résultats sont là. Mais en tout cas, voilà, RB qui s'impose comme les meilleurs des autres. On l'avait vu venir avant la saison, on le voyait moins venir après les premières courses. Voilà. Est-ce que ça va fluctuer? Est-ce que RBF1 a raison de regarder plutôt derrière que devant? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de se projeter sur Aston Martin, qui semble une proie de plus en plus facile finalement, même si on attend de voir sur les évolutions? Donc là, c'est l'enjeu. Moi, j'attends, voilà. J'attends le retour des polémiques sur RBF1. Je suis sûr que c'est un peu le syndrome basse. Hein. Dès qu'ils auront des bons résultats, la boîte à polémiques va se rouvrir et ça sera vite très très vite. Ouais, moi c'est vrai que j'avais j'étais en reprendre, j'avais quand même les pour Tsunoda, je voulais marquer un petit peu les progrès de Tsunoda en maturité notamment. Il a dit, parce que donc tu as parlé du fait qu'il était bloqué derrière la voiture et qu'il a eu la capacité de garder son calme. Il a dit, je me sens plus détendu dans la voiture, je ne suis pas non plus en train de boire un thé, mais je vois les choses en grand. Je communique davantage avec mon ingénieur, je me sens plus en contrôle, je sais quels sont les objectifs que je dois accomplir à tout moment. Je suis moins pressé et ça m'aide. J'étais derrière une Williams, donc en l'occurrence c'était derrière Sargeant après son premier arrêt. Et c'est une voiture très frustrante à dépasser car elle est rapide en ligne droite. Il y a 2 ans, j'aurais appuyé sur la radio, j'aurais perdu mon calme et j'aurais fini dans une mauvaise situation, mais j'ai travaillé et avec l'équipe, j'ai appris à faire différemment. Et c'est vrai que moi je trouve que Tsunoda a vraiment, je vois beaucoup de louanges pour lui dans le chat aussi. Hein, Tsunoda est ce crack qu'il pensait être, ou ça fait un an que je suis dans le train de Tsunoda qui est tellement sous-coté. Et c'est vrai que moi je suis totalement d'accord, Tsunoda a vraiment très grandement changé. Surtout, ça fait 2 ans qu'à Imola, il avait un peu pété un câble à la radio. Ça avait été une des pires fois où il avait été accusé de ne pas savoir se calmer, de ne pas savoir rester zen au volant. Et là, je trouve que on est face à un Tsunoda qui est totalement en maîtrise de tout, même quand il fait un week-end un peu décevant. Ce qui a été le cas quand Ricardo a changé de châssis, il était un petit peu en retrait, c'est en Chine. Et à chaque fois, il est de retour. En fait, il arrive à faire mieux, il arrive à reprendre le contrôle, il arrive à reprendre le dessus. Et pour moi, ça montre que Tsunoda est maintenant un pilote mature, un pilote régulier et un pilote performant. C'est un pilote qui est capable de faire des chronos énormes sur un tour et qui est capable maintenant de mener une course de A à Z en ne perdant pas son calme, en sachant où il va, en sachant quels sont ses, bah, comme il disait, hein, quels sont ses objectifs. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment ultra impressionné par la maturité et les progrès de Tsunoda. Et je pense que s'il continue comme ça et si on n'a pas de venue surprise de Sainz chez Red Bull, je le vois prendre le deuxième baquet aux côtés de Verstappen l'an prochain, si Verstappen reste, parce que pour moi il est vraiment dans sa meilleure forme actuellement qu'il a été depuis ses débuts en F1 en fait. Dans son système de boisson, ils ont remplacé l'eau par le Lexomil, le liquide, et ça En fait, marche on a très dit bien. comprimé. Non, mais c'est vrai qu'il a vraiment, il a arrêté. Alors bon, là, on sait aussi que la FOM exagérait vachement sur la manière dont on voyait tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Enfin, on entendait en tout cas ses communications. Et lui-même avait été un petit peu frustré d'être ciblé par la FOM parce qu'à chaque fois qu'il ouvrait la radio pour avoir quelque chose, un message un peu plus nerveux, la FOM le rediffusait et ça l'agaçait un peu. Mais du coup, bah, plutôt que de continuer à se plaindre de la FOM, il a décidé d'arrêter d'avoir des messages vraiment énervés, à part quand il se fait ralentir en qualif. Et encore, maintenant, il est plutôt zen. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. Moi, je suis totalement avec le chat là-dessus. C'est vraiment Tsunoda pour moi est en train de devenir un pilote incontournable pour une équipe de milieu de peloton. Et je pense qu'Aston Martin pourrait à moyen terme se mordre les doigts de ne pas virer Lance Stroll en fin de saison et de ne pas le récupérer pour en faire un de ses pilotes d'avenir. Parce que malgré tout, il y aura Honda chez eux à partir de 2026. Et avoir Tsunoda dans leur rang serait totalement cohérent. Donc en tout cas, voilà, je trouve que ouais, pour moi, ça va devenir quand même la valeur sûre de l'équipe jusqu'à la fin de saison. Et même si Ricardo va mieux, on voit qu'il est en retrait d'un Tsunoda qui est très très performant. Et je pense que avec le bagage technique qu'il commence à avoir aussi, ça fait qu'il n'y a pas besoin d'un autre pilote, en tout cas en termes de référence, même si Ricardo apporte évidemment beaucoup beaucoup de connaissances. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter pour RBF1 sur la partie, même la partie hors piste, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent pour l'an prochain pour l'instant. À part le fait que Lawson se montre toujours un petit peu pressant dans ses déclarations hein, depuis quelques semaines. Que lui, il s'inquiète un petit peu de voir le baquet lui passer sous le nez, alors qu'en 2023, on lui a promis que c'était pour lui en 2025. Donc, Je pense que c'est une question de temps. Hein, de toute façon. Marco a recadré et Lawson et son manager, hein, clairement, ouais. Qui s'exprimait un peu trop dans les médias néo-zélandais. donc voilà, je pense que voilà, le calme est revenu de ce côté-là. Tant que Ricciardo confirme qu'il est de retour sur de bonnes bases, ça va. Si Ricciardo commence à... J'ai eu un peu peur pour Ricciardo quand même hein, ce week-end, parce que ça, ouais. Cette Tsunoda avait commencé très très fort. Ricciardo était un peu loin au départ. Finalement, en qualif, ça s'est un peu égalisé, mais Ricciardo a surveillé quand même, donc voilà. Et c'est Tsunoda, fou de voir... Et juste Tsunoda, pour rappeler, il est en fin de contrat. Hein. Oui. Si une équipe veut le signer, du Red Bull lui propose rien, il peut partir. Hein. Ouais. C'est fou de voir Marco recadrer quelqu'un parce qu'il s'exprime trop dans les médias. Est-ce que ce serait pas l'hôpital qui se fout de la charité? Mais bon, en tout cas, ouais. Finalement, Tsunoda, c'est vrai que c'est une très bonne remarque aussi, c'est que si Red Bull tarde et tout ça, lui aussi peut aller voir ailleurs et sortir du giron Red Bull. Malheureusement, il n'y a pas non plus beaucoup d'options qui seraient meilleures, mais après, il pourrait devenir aussi le leader d'un projet autre, et je pense, pour moi, il n'y a aucune équipe de milieu de peloton qui n'aurait pas intérêt à aller le voir, et je pense notamment à Alpine aussi, hein, parce qu'un Tsunoda, un profil comme Tsunoda aujourd'hui, c'est un atout pour Alpine, c'est un atout pour Haas, c'est un atout pour Stake, c'est un atout pour Williams, donc même si tout le monde ne l'envisage pas. Et je pense qu'ils auraient tout intérêt à aller le voir. En parlant de Haas, justement, qui n'a pas de pilote signé pour l'an prochain, en tout cas, ils ont fait un week-end plutôt correct sur un circuit où la qualif était primordiale. Il y a eu du bon et du moins bon, en l'occurrence du Hülkenberg et du Magnussen. Hein, ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Hülkenberg qui continue à enchaîner les Q3 et à les empiler course après course, qui finit 11e. Magnussen qui fait une moins bonne qualif, éliminé en Q1, mais qui se rattrape en course avec une belle course d'attaque, une belle course d'attaque propre, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Magnussen être aussi bon en course, j'ose le dire de manière un petit peu crue, mais c'est vrai pour moi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une prestation de cette facture-là. Il finit 12e, après avoir fait pas mal de dépassements réfléchis, et donc il montre qu'il sait le faire, hein. Il montre que son... Et pour moi, je vais faire une petite parenthèse d'humeur, mais ça montre aussi que son week-end de Miami est vraiment une catastrophe, parce que ça montre qu'il a décidé d'être con en piste et qu'il l'a été tout le long du week-end. Il l'a assumé, mais c'est vrai que du coup, ça met en... Je pense que ça met en... J'ai vu qu'à la braise dans le chat qui dit que Yuki est de sous-côté et ça me fait beaucoup rire. Mais non, je pense que c'est... ça montre à quel point Magnussen a vraiment décidé d'être mauvais à Miami. Et ça rassure un peu de voir qu'il est capable de faire des courses vraiment d'attaque et d'avoir ce côté dépasseur et attaquant propre. Et c'est frustrant parce que si tous les week-ends il décidait de se fixer ça comme standard, et il va être obligé de le faire jusqu'à la fin de saison, puisque à la prochaine incartade il sera suspendu une course, mais s'il décidait chaque week-end de se fixer ce standard là et de se fixer cet objectif de niveau là, et ben en fait il serait excellent. Donc c'est un petit peu dommage de le voir ne pas faire mieux. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. On peut en faire le match, mais pour moi il a vraiment décidé de faire ce qu'il a fait pour protéger son coéquipier, donc dans cette perspective-là, pour lui, ça rendait plus acceptable c'est le comportement qu'il a eu, en piste, hein, même si Hülkenberg après a été un peu l'inverse dans une semaine en disant mais non, mais moi j'avais pas besoin de son aide, hein, j'étais devant tout seul, je faisais ça pour lui tout seul, donc voilà, pour moi, en fait, très honnêtement, j'ai pas été aussi scandalisé, en fait, j'ai pas été scandalisé du tout même. Par le comportement de Magnussen, parce qu'il s'inscrivait dans la dynamique de Jeddah aussi. Je pense qu'on ne comprend pas Miami si on ne voit pas aussi le précédent de Jeddah, où Magnussen avait aussi surdéfendu pour protéger son coéquipier. Donc pour moi, il était tout à fait dans cette même logique. Et comme c'était un comportement, entre guillemets, altruisme, l'altruisme effaçait l'agressivité. Après, il faut quand même rappeler que Hayao Komatsu a recadré Magnussen après Miami, avant ce Grand Prix, en disant clairement qu'il n'y avait pas besoin de ce genre de comportement en piste. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que chez Haas, on laisse la porte ouverte à des comportements erratiques en piste. On sait très bien que Magnussen aura beaucoup de mal, même avec toute la bonne volonté du monde, à échapper à 2 points de pénalité supplémentaires en 17 courses qui restent quand même, parce qu'il y a tellement de possibilités, malheureusement, d'avoir 2 points de pénalité. Surtout maintenant que la FIA a décidé de faire des sanctions qui sont automatiquement 2 points et 10 secondes. Quoi. Donc je pense qu'effectivement, on a dû bien se tenir à carreau, parce que le prochain Grand Prix, c'est Monaco, Et mettre un nouveau pilote dans une voiture à Monaco, c'est quand même pas évident. Donc voilà, Berman d'ailleurs, on salue au passage encore une fois son excellente prestation des Libres 1, qui a encore une fois été impeccable et qui se pose encore une fois en pilote titularisable sans aucun problème pour As, hein, même Komatsu l'a dit, franchement il n'a rien à lui reprocher, donc ouais. Voilà, qui continue comme ça pour avoir son baquet. Magnussen, effectivement, bah, il n'est pas signé, il le sait, hein, Komatsu a encore dit que bah, voilà, Kevin sait ce qu'il a à faire pour pouvoir assurer son baquet, et c'est clairement monter son niveau de jeu. Et voilà, être capable de faire de bons week-ends comme le fait Hülkenberg qui s'en va donc chez Audi. Donc voilà. Sinon, bah voilà, pour résumer encore une fois le week-end de Haas, c'est conforme à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. C'est une voiture qui est constamment dans le top 10 ou au port du top 10. C'était encore le cas à ce moment-là. En fait, Haas me fait penser un petit peu à ce que Alpine était jusqu'à l'an dernier encore. C'est une voiture vraiment constamment, quel que soit le circuit, à peu près au même niveau. Mmh. C'est peut-être pas trop le cas cette année, mais voilà, c'est une équipe voilà, qui est certainement aussi avec plus de sérénité. Voilà, et puis une équipe qui sait faire évoluer sa voiture aussi, qui sait faire des choix techniques, à se demander ce que Günther Steiner faisait ces dernières années à la barre de l'équipe, hein, et où il investissait l'argent qu'il avait. Voilà. Ouais, bah justement, j'en profite parce que c'est vrai qu'on a fait la preview du Grand Prix de Haas, du Grand Prix de Monaco. Et Komatsu a dit que c'était la première fois qu'ils avaient travaillé en soufflerie pour apporter des pièces pour Monaco. Donc, enfin, travailler à ce point-là, en tout cas. Donc, c'est quand même... On voit que ils ont déjà ce choix d'amener des packages d'évolution, d'amener des pièces. Ils en ont... qui étaient là... ils en ont amené à Imola. Ils en ramèneront d'autres. Ils ont des packages prévus pour les courses qui viennent. Je pense que ce sera en Espagne la prochaine, je crois, qu'il y aura des bonnes pièces, vraiment, qui ne seront pas spécifiques au circuit. Mais là, justement, ils auront à Monaco des pièces spécifiques au circuit. Ce qu'il n'avait pas jusqu'ici, et on se rappelle que Hülkenberg s'était plaint l'an dernier de ne pas avoir d'aileron spécifique à Monza, donc j'imagine que ce sera corrigé aussi cette année. Mais du coup, c'est vrai que ça montre que en fait, ce qu'on disait un petit peu depuis 2 ans, à se demander vraiment ce que foutait Steiner à la tête de l'équipe, et ben on avait raison, puisque Steiner, il semblerait qu'il avait un petit peu oublié du fait qu'une équipe de Formule 1, c'est pas juste de la com, c'est pas juste un gros package d'évolution et puis gueuler sur les gens qui font pas assez bien le travail, c'est aussi montrer aux gens comment faire le travail et montrer à l'équipe avoir un vrai cahier des charges de leadership technique et humain. Et je pense qu'effectivement, Bmax, hein, c'était la gestion Steiner, c'était de ne pas amener forcément de pièces spécifiques pour les événements les plus spécifiques, donc Monza et Monaco, pour ne pas les citer. Hülkenberg avait dit d'ailleurs qu'ils avaient le même aileron arrière à Monza qu'à Monaco l'an dernier, ce qui est quand même une catastrophe. Et je pense qu'on va voir, on va continuer à voir cette année, au fil des grands prix un peu particuliers, les bienfaits de la gestion de Komatsu, qui semble être une personne plutôt bienveillante, qui sait gueuler quand il faut. Ouais, c'est le Pénélope de la F1, Steiner. C'est vrai que c'est un peu rude, mais effectivement, le problème, c'est que Steiner était tellement tombé dans son travers de com, et on était un peu inquiet de ça, hein, de se dire, eh ben, il est dans la com tout le temps, il fait consultant par-ci, des projets par-là, machin, mais en fait, il a oublié que il n'avait pas juste à gueuler sur les gens pour répercuter les soufflantes qui se prenaient par Gene Haas. En fait, l'intérêt aurait été aussi d'être un vrai leader. Et je pense que Haas va être une équipe beaucoup plus intéressante à suivre maintenant qu'ils ont un vrai leader qui est Hayao Komatsu. Et ça va aussi devenir une équipe plus attrayante sur le marché des transferts. On peut peut-être en parler maintenant, puisqu'il y a quelques rumeurs qui... Alors, on sait qu'ils ont déjà... c'est vrai que Berman est... pour moi, le pilote qui sera dans une des deux voitures l'an prochain, parce que il fait des très bonnes performances en F2, il a fait une super pige avec Ferrari à Jeddah. Ils ont un projet pour Berman cette année qui est de lui faire 6 séances d'essais libres, a priori, si mon compte est bon, c'est 6, hein, ouais. Et c'est vrai. Voilà, et du coup, voilà. Donc pour moi, c'est le titularisable, mais à côté de ça, ils peuvent viser des noms assez importants. Ocon notamment serait très lié à Haas et Bottas aussi, mais Bottas on le voit quand même un peu plus chez Williams, hein. Ouais. Mais sa dernière peur, ça a plutôt évolué comme ça. Voilà. Et alors bon, sans dire du mal du duo Hülkenberg-Magnussen, puisque Hülkenberg se montre très très performant, mais c'est vrai que si Haas par exemple se retrouve avec un duo Ocon-Berman, ça reste quand même très très bon pour une équipe de peloton et une équipe qui était un peu vue comme la porte de secours de pas mal de pilotes jusque-là, quoi. Et puisqu'on parle des Français, juste pour revenir sur Hervé, mais il faut féliciter Hadjar pour sa super victoire. Et voilà, s'il y a du mouvement l'an prochain, imaginons que les deux pilotes partent, hein, il pourrait aussi lui se positionner. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a fait. Il commence à montrer une maturité lui aussi qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur As, messieurs. Non, en termes de transport, c'est un petit peu. Ce serait quand même triste pour Ocon, hein, je veux dire. Bah, triste, on a l'impression qu'il a vraiment envie de s'en aller, quoi. Donc, Ouais. Mais triste pour la direction qui a un peu. Enfin, a pu prendre sa carrière. Alors, ça fait une très belle transition, hein, puisque l'équipe suivante dont on va parler, c'est Alpine. Ce serait un peu triste, parce que c'est vrai que Haas paraît être un moins bon plan que Alpine, mais le fait est qu'Alpine termine beaucoup plus loin que Haas pour l'instant. À Imola ce week-end, avec une 14e place pour Ocon, une 16e place pour Gasly. On sent effectivement, moi je suis d'accord avec toi, pour parler un petit peu du côté humain d'Alpine avant de parler du côté perf, on sent une vraie volonté d'Ocon de tourner la page et de changer d'air, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, même si effectivement, je pense qu'à long terme, Alpine reste la meilleure option par rapport aux équipes du peloton. Mais je pense que Ocon a un petit peu, on est un petit peu marre de tout ça et a un peu besoin de changer d'air. Et surtout, on a un petit peu. Enfin, on a vu un changement dans les déclarations de Famin qui semble vouloir mettre la pression à ses pilotes en leur disant en gros, nous aussi on va discuter avec d'autres gens. Et je pense que Ocon n'a pas envie d'attendre et de se faire piéger comme il s'est fait piéger en 2018 où il s'est retrouvé sans volant. Hein, et il l'a dit. Mm-hmm. Et Famin joue une stratégie ultra agressive avec les deux. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que aucun des deux n'a l'air très attaché à l'idée de rester chez Alpine non plus à tout prix. On a vu un Gasly qui s'est vraiment énervé ce week-end en disant même quand j'ai la priorité en piste, on me fait pas sortir en premier. Et c'est Esteban, donc bon, il y a un petit peu de rivalité entre les deux, mais je pense pas que c'était spécialement contre Esteban pour le coup. Je pense que c'était vraiment contre l'équipe. Et il avait pas tort, hein, si c'était à lui de pas sortir en premier, il fallait qu'il sorte en premier. Et au final, pour une équipe qui jouait la dernière ligne en début d'année et qui avait quand même de la chance d'avoir un duo Ocon Gasly, est-ce que c'est pas une stratégie à risque aussi de mettre la pression sur ses pilotes quitte à les voir partir et ne pas avoir de remplaçants très très performants non plus l'an prochain, ou en tout cas ne pas avoir un choix énorme de pilotes? C'est compliqué, hein, chez Alpine. Honnêtement, en interne, il doit se passer beaucoup plus de choses que ce qu'on doit voir pour que Famin arrive à mettre comme ça des menaces sur ses pilotes en public. Pourtant, Ocon et Gasly étaient, en tout cas, de manière corporate, soutiennent l'équipe, en tout cas dans les médias, c'est ce qui se dit. Ouais, il faut travailler et tout, mais ils ont aussi peut-être aussi un peu plein le huc, comme on dit, des promesses qui ne sont pas tenues, c'est ce qui est d'ailleurs régulièrement le cas à Enstone depuis 2005 et 2006, on va dire, à part le petit épisode de Lotus, c'est quand même à chaque fois la même chose, quoi. C'est des hauts qui vont jamais très haut et des bas qui vont jamais très bas non plus, mais c'est jamais en perpétuelle ascension. Et je pense qu'effectivement Ocon, il a à mon avis en tête deux choix très clairs, c'est il a même dit il a un contrat d'un an chez Mercedes dans sa tête, je suis encore pilote Mercedes. Quand on en vient à dire donner ce genre de déclaration qui roule chez Renault Alpine depuis 2020, c'est ça, quand il dit que dans sa tête il est encore pilote Mercedes Junior, ça veut quand même en dire long sur son état de nerf, je pense, par rapport à la situation chez Alpine. Et sur la manière dont il se sent aujourd'hui pilote Alpine, quoi, c'est ça. Exactement. Donc du coup, effectivement, voir que Alpine joue la montre pour pouvoir le reconduire, ça doit bien énerver. Et donc du coup, ben ok, Coco, vous la jouez comme ça, ben moi si je peux partir, je vais le faire. Et à mon avis, il a deux solutions qu'il aimerait bien favoriser, c'est un Mercedes, à mon avis, et la deuxième, c'est Audi. Mais Audi sera malheureusement le plan activable que si Carlos Sainz décide de leur dire non. Donc c'est, voilà. On en parle aussi chez Haas. Voilà, il y a des rumeurs aussi qu'il annonce chez Haas. Je pense effectivement qu'il a dû discuter avec Haas aussi. Voilà, mais ça. Sur les deux, moi je dirais plutôt Audi, hein, s'il peut. Voilà, effectivement, parce qu'il a vraiment le choix. Voilà. Mais j'ai l'impression que Alpine, ça a l'air d'être un petit peu la fin. Peut-être pas pour Pierre Gasly, qui est là que depuis. Que depuis un peu moins de temps. Et si Famin veut garder un pilote entre guillemets de référence pour son équipe, qui va quand même très vite, hein, qui va quand même très très très très bien, Pierre Gasly, voilà, il faudrait pas qu'il se mette les deux à dos. C'est ça, hein. Ce que disait Alpine après Gasly après la première course, il disait est-ce que vous serez chez Alpine, il disait moi ce que je veux c'est être dans une F1 compétitive. C'est ça. Et on c'est une belle déclaration de confiance. On lui a survendu le projet Alpine, hein, comme, comme beaucoup de choses, à mon avis. Bon, après, voilà, il y a Sanchez qui est arrivé à la barre technique, voilà, mais bon, ça veut dire encore, bah, comme toujours, des années de transition, voilà, des... le projet à 100 courses qui, à chaque fois, on prend dans les dents, et voilà, c'est ce que je dis, le projet à 100 courses avant la vente, hein. C'est ce qu'on se disait au bout d'un moment, ça va être le projet sans course avant la vente. Mais ça, c'est l'héritage Laurent Rossi aussi. Hein. Moi, j'en veux toujours énormément à Laurent Rossi pour ce qu'il a fait d'Alpine, parce qu'il fait partir à Bitbull, il fait partir Prost, il recrute Zaffnauer, il fait partir Zaffnauer. Au final, cette équipe n'a aucune stabilité. La seule stabilité, c'est Bruno Famin qui est là depuis un moment, mais qui, lui, a gravi les échelons et aujourd'hui n'a peut-être pas non plus la carrure pour avoir ce poste-là. On peut espérer un Monaghan qui arriverait. Ouais. Ce serait vraiment le... Ou un Whitley plutôt, même... Whitley qui arrive à chez Red Bull, mais effectivement c'est le plan qu'aimerait activer Alpine. Alors, ils recrutent des gens, hein. Après il y a des recrutements très très bons qui sont faits dans les coulisses, mais il faut un vrai leader. Moi c'est pas pour en vouloir à Bruno Famin, parce que Bruno Famin c'est ce qu'il peut avec ce qu'il a, et je pense qu'il a peut-être un peu un syndrome de l'imposteur aussi par moment, parce qu'il a lui-même dit qu'il n'était pas forcément tout le temps à l'aise et tout ça, et aujourd'hui on le voit un petit peu vouloir taper du poing sur la table de manière pas forcément utile, et moi c'est vrai que Bruno Famin a un peu un langage corporel des fois quand il parle. Alors, je sais qu'il ne faut pas non plus trop suivre le langage corporel, mais Bruno Famin n'a pas forcément l'étoffe des fois tout le temps d'un leader, et je suis par rapport à ce qu'avait Zaffnauer, qui avait ce côté très entrepreneur de d'une équipe du milieu de peloton, et ce que par rapport à Bitbull, hein, qui avait pour moi vraiment cette étoffe de leader, même si on lui a beaucoup reproché sa com, mais une com qui était drivée par un conseil d'administration qui voulait des résultats et qui voulait des objectifs très très clairs pour justifier le fait que Renault ait un programme Formule 1. Mais moi je pense que Bitbull était très très sa place. Il n'est pas un leader dans le Piranha Club, comme on dit. Voilà. Oui. Il peut être un très bon leader dans d'autres catégories, beaucoup moins poulies. Mais le Piranha Club, c'est pas fait pour Famin. Non. Ce que disait Prost de Laurent Rossi, le plus bel exemple de l'effet Dunning-Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'écart des troupes. Il a cru avoir tout compris dans le fait alors qu'il s'est totalement fourvoyé. Quand Alain Prost dit les termes, ça fait tellement mal. C'est ça. Mais c'est tellement juste. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Prost. De l'extérieur, c'est l'image que me donne Laurent Rossi. C'est la personne qui a été bombardée à la tête du programme F1 alors qu'il était PDG de la marque au départ et qui n'a pas trop su pourquoi il était là, mais qui a voulu vous montrer qu'il était là. Et moi, ce que dit Prost, je le retrouve dans le coup de gueule de Laurent Rossi l'an dernier à Bakou, où il décide d'incendier l'équipe, alors que avec son histoire de dilettantisme et tout ça, alors que jamais avant il y a eu une déclaration publique de sa part comme quoi il était énervé, et là vraiment ça fait vraiment ce côté je marque mon territoire et je montre que c'est moi le patron. Et au final, après c'est aussi Laurent Rossi qui dégage toute l'équipe dirigeante un jeudi en leur disant vous finissez le week-end mais après je veux plus vous voir. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est vraiment une catastrophe de communication et de gestion. D'ailleurs Laurent Rossi qui a quitté qui quitte Alpine, le groupe Renault, définitivement, si j'ai pas dit de bêtises, mais voilà, pour moi, Laurent Rossi, c'est... Il a fini son potager, c'est ça ? Ouais, c'est ça. mais voilà, non, c'est vraiment... Laurent Rossi, c'est vraiment une catastrophe pour moi. En tout cas, ce qui se passe chez Alpine aujourd'hui, c'est l'héritage Laurent Rossi. Mais le problème, c'est que Famin doit composer avec ça, et qu'aujourd'hui, je trouve qu'il joue un jeu dangereux en mettant la pression sur des pilotes à qui on a vendu un projet gagnant, qui se retrouvaient à se qualifier 19 et 20 en début de saison. Faut pas imaginer pour des pilotes la déception que ça représente, pour des mecs qui veulent jouer la victoire en Formule 1. Et aujourd'hui, à qui on dit, de toute façon, vous êtes pas la priorité, en gros, faites pas trop les malins, parce que c'est pas... Enfin, si vous mettez la pression à Alpine, vous perdrez. Mais Alpine, s'ils perdent au Conegassi aujourd'hui, ils ont qui derrière ? Ils ont Jack Doohan. Alors, j'ai rien contre Jack Doohan, mais on sait pas ce qu'il vaut. Mick Schumacher, qui a montré des limites chez Haas et qui est très très bon en endurance, mais qui en plus, lui, aujourd'hui, même s'il garde un œil sur la F1, ne pense pas forcément à la F1. Et après, ils iraient recruter des pilotes qui... Guanyu Zhou. Voilà, Guanyu Zhou, qui se prend un 7-0 par Bottas depuis le début de saison et qui a montré aussi ses limites. Ouais. Bottas est en discussion. Didier Coton, en tout cas, était dans le Autorum Alpine. Voilà, mais bon, après... Voilà, c'est plutôt parti du côté de chez Williams aussi, à mon avis. Dave Murray propose une de mes idées. on disait qu'il remporterait, qu'il n'avait pas l'état d'un entraîneur et qu'il remporterait jamais la Ligue des Champions. Voilà, on peut dire, c'est certains vrai. Vont dire Zidane n'a pas l'étoffe d'un team principal. Mais voilà, Zidane, il parle pas, il met des coups de tête. Donc... Et la couleuvre incroyable que pourrait avaler Alpine, ce serait de devoir se tourner vers Daniel Ricciardo, par exemple, pour un pilote d'expérience, en disant qu'on a besoin d'un pilote qu'ils ont dégagé et refusé plusieurs fois. Donc, moi, c'est je suis un peu inquiet pour Alpine parce que on sent qu'ils essayent de comment dire. On a l'impression qu'ils essaient de se comporter comme un top team en ayant les performances d'une équipe de fond de grille, quoi. Et même si ça va mieux, même si les progrès sont louables, hein, parce qu'encore une fois, il y a des milliers de personnes derrière qui bossent pour faire progresser cette équipe et qui y arrivent, parce que c'est quand même mieux la situation aujourd'hui que ce que c'était en début de saison. Mais ouais, moi je suis inquiet pour Alpine, dans tous les cas. Et inquiet par rapport à ce qu'ils vont avoir comme pilote l'an prochain s'ils n'arrivent pas à conserver Ocon et Gasly. Ocon ou Gasly, parce que je pense qu'il y en a au moins des deux qui partira quoi qu'il arrive. Mais voilà, après sur le plan de la performance, bah, c'était pas bon. Hein. De toute façon, à Imola, il savait que ça allait pas être terrible parce que la voiture elle n'est pas des caractéristiques qui sont très, très idéales pour ce circuit. Et effectivement, ça n'a pas été. Voilà, c'est. Pas idéal pour tous les circuits. Hein. Ouais, dans tous les cas, à Monaco, ça va être difficile aussi. Très belle qualif d'Ocon, encore une fois, qui fait 12e, qui sauve les meubles, qui arrive à faire une qualif proche de la... Comme il dit, il est à un dixième d'une Red Bull, et puis il est proche de la Q3, mais il n'est pas encore en Q3, et c'est la frustration pour eux, c'est de ne pas viser à la régulière la Q3 et les points. Quoi. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, on a beaucoup parlé hors-piste, je ne sais pas si en piste vous avez beaucoup à dire sur Alpine, mais ce n'est pas très encourageant non plus pour les prochaines courses à venir. Quoi. Non, pas avant les prochaines évolutions, qui n'arriveront pas avant plusieurs courses, donc là... Voilà, c'est le ventre mou du peloton en attendant mieux. Manger son pain noir, quoi, c'est vraiment. Exactement. On attend. Ouais, courage, elle paye plus que 18 courses, c'est la saison. Et vous pourrez développer une nouvelle voiture sur la base de cette formidable A524. Non, c'est pas rassurant, mais bon, après, malheureusement, le problème, c'est qu'elle n'est pas en bonne position pour attirer des bons pilotes pour 2026 aussi. Parce qu'il y aura un nouveau projet. Puis, Attention au moteur, hein. Pas se rater comme en 2014. Ah oui, là, sinon c'est la fin du projet pour de bon. Là. C'est ça, clairement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il montre que le moteur est pénalisant depuis le début de la réglementation et malheureusement, le châssis ne suit plus. Donc en fait, c'est compliqué d'attirer des pilotes en disant vous en faites pas, on a un super projet, même si nos deux usines actuellement ont raté chacune de leurs. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu cruel parce qu'encore une fois, c'est pas pour rejeter la faute sur les gens qui travaillent d'arrache-pied. Faut pas acheter la communication Laurent Rossi et penser que les gens viennent en dilettante à l'usine. Hein. Les employés d'Alpine, comme les employés des autres équipes de fond de grille, se donnent jour et nuit pour que ce projet fonctionne. Donc eux et elles, on peut pas leur en vouloir. Mais effectivement, ils auront besoin d'un leadership stable et que ne leur offre plus leur président. Donc c'est un peu problématique. Ouais. Les moyens, les ressources, tout ce qu'il faut aussi derrière. La confiance aussi. C'est ça. La prise de risque, ce genre de choses, voilà, c'est tout ce qui met une équipe en confiance derrière pour pouvoir travailler de manière sereine. Tout à fait. Du coup, voilà, donc pour Alpine, c'est un petit peu compliqué. Ça l'est aussi compliqué pour Steik, qui n'a pas vu le jour ce week-end sur la piste. Hein. Double élimination en Q1, 16 et 17. En course, ça fait 15 et 18. C'est le week-end où ils amenaient des évolutions importantes. Ouais. Ce que disait Luni Bravi. Avant le Grand Prix, et les évolutions majeures ont raté en majorité. Donc c'est ce qui rend d'autant plus un peu déprimant le reste de l'année chez Sauber et Steik, c'est que voilà, les évolutions n'ont pas fonctionné. Alors encore une fois, c'est comme chez Aston Martin, hein. Est-ce que ça va mieux fonctionner avec à part les écrous de roue. Comment? À part les écrous de roue, ça marche maintenant. Pour une c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est une satisfaction comme une autre. Mais... Ben oui, c'est extrêmement décent. Alors évidemment, James Key, etc., il faut lui laisser le temps, mais voilà, on l'a dit plusieurs fois sur Steik et Sauber, au moins il y a une lumière au bout du tunnel. C'est pas le cas chez Alpine, la lumière du bout du tunnel, elle tient en 4 lettres et c'est Audi. Ah, c'est pas Joe? Non, Joe, c'est compliqué. Non, lui, c'est le tunnel. Alors, c'est un peu cruel, mais c'est vrai que Joe vit une saison très très difficile. Pas un seul passage en Q2 cette année. Q2. Et pas une seule course, enfin pas une seule qualif devant Bottas, à l'exception des sprints, des sprint shootout. C'est pas bon du tout. Il y a eu la petite éclaircie à Shanghai avec le vendredi qui s'est très bien passé, une belle qualif dans le top 10 du sprint shootout. Mais c'est tout. À part ça, c'est la saison de Joe, elle est vraiment catastrophique. Et moi, je suis même étonné de voir son nom circuler dans d'autres équipes parce que certes, il a des sponsors, il a des soutiens. Mais sur la piste, c'est pour moi, c'est la pire période qui passe depuis son arrivée en Formule 1. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que, en fait, il a eu une courbe croissante où début 2022, il était derrière Bottas. Il arrive à revenir au niveau de Bottas, à être presque devant début 2023. Et depuis, c'est la descente aux enfers. Bottas a repris du poil de la bête et il se fait éclater week-end après week-end. Et là, en début de saison 2024, avec un Bottas qui fait beaucoup de choses dans son image, sa com et hors piste et tout ça. Mais en fait, je pense que Bottas est extrêmement impliqué et bosseur. Et il sait que c'est aussi la manière pour lui de trouver un autre contrat en Formule 1. Et il est super rassuré d'ailleurs parce que il se dit « Moi, je serai en F1 l'an prochain et j'ai des options ». Et en fait, pour arriver à ce résultat-là, et ben, c'est un peu une machine de travail, je pense, et il détruit Joe week-end après week-end. Quoi. Joe, son seul espoir, on va dire, c'est effectivement le côté politique de la F1, et je pense très soutenu aussi par Liberty Media, et voilà, seul pilote chinois en F1 qui pourrait rester en F1 un petit peu plus, parce que voilà, la Chine est revenue au calendrier enfin, de la F1. Et donc voilà, je pense qu'il y a son espoir de rester en F1 tient un petit peu à sa nationalité et à ses soutiens, plus enfin, en tout cas plus à sa nationalité qu'à autre chose. Et oui, effectivement, il a été évoqué chez Alpine, il a été évoqué chez As aussi, je crois. Mais voilà, il est pas du tout en tête de liste dans toutes ces équipes. Chez Williams, on en parlera, mais chez Williams, c'est plutôt Bottas. Hein, donc ça a l'air d'être assez ferme sur le fait qu'il aurait très très très avancé là-dessus, Bottas, pour devenir l'équipe d'Albon. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui se profile plutôt comme ça. Donc voilà, Bottas sauverait sa peau et Joe, est-ce que quelqu'un va lui sauver la sienne? C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça la question qui va se poser. Mais je pense que, typiquement, on en parle chez Haas ou on parle aussi d'Ocon, et je pense qu'il n'y aura pas, enfin, Komatsu, même s'il y a de l'argent, serait bienvenu chez Haas. Je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation au moment de choisir entre Ocon et Joe, quoi. Ouais, je sais pas. Pilote chinois dans une équipe américaine. Avec la chance, voilà, j'allais dire ça, ils ont pris Mazepin, la Russie, on va les écrire. Pour la stabilité du monde, j'espère qu'ils ont bougé. Oui, c'est vrai qu'on serait mal comme ça, un petit conflit USA-Chine, juste avant le... Un jour, on fera une émission sur le rôle géopolitique de Haas dans le monde entier. Non, mais c'est vrai que c'est... Ouais. C'est un peu compliqué pour l'équipe Stake, en tout cas, et qui a clairement les yeux rivés vers 2026, mais c'est vrai qu'il y a quand même une saison et demie ou saison deux tiers à passer d'ici là, et c'est un peu compliqué. Et je suis assez d'accord avec Alka qui dit pour lui, Joe, c'est fini après cette saison pour la F1, et je pense aussi que ça va être compliqué de se sauver si, en tout cas, il n'y a pas de grands changements dans les performances actuelles. Si on est réaliste et objectif, oui, pour lui, c'est fini. Maintenant, ouais. Il y a toujours pareil, les facteurs... Oui. Voilà, toujours des facteurs extra-sportifs. Voilà. Comme on le dit de manière un peu polissée. Et dernière équipe que l'on va aborder pour ce soir, Williams, avec un week-end aussi compliqué. 17e position pour Logan Sargeant, abandon pour Alex Albon, qui a vu sa course ruinée par un arrêt duquel il est ressorti une roue mal fixée. Voilà, c'était un petit peu compliqué niveau perf, encore une fois. Albon va en Q2, Sargeant non. C'est un petit peu délicat pour Williams, ça manque d'évolution et ça manque encore de performance, malgré le fait qu'il y avait des kilos en moins sur la voiture et qu'ils ils attendent beaucoup beaucoup de cure d'amaigrissement de la voiture encore pour gagner en performance. Donc pour eux, c'est du travail de fond en attendant des jours meilleurs, c'est un petit peu ce qu'avait dit James Vowles aussi par rapport au programme de début de saison. Donc c'est pas une grosse déception, mais voilà, c'est un petit peu, là aussi on mange un peu le pain noir, quoi. Oui, la voiture n'était pas extrêmement loin non plus. Elle reste quand même dans la seconde, on va dire. Mais voilà, c'est un peu trop short pour jouer les points. Toujours, donc pour l'instant, pas de points pour Stake, pas de points pour Williams. Voilà. On est toujours dans la situation où Vols, en arrivant chez Williams, a vu que les infrastructures dataient du siècle dernier. C'est pas une exagération. Mmh. Ils avaient un seul tableur Excel pour suivre tous les ajouts. C'est une folie, quand même. En disant, voilà, on envoie tout balancer. Et c'est le problème de Williams, hein, en construction permanente. Mais problème, c'est qu'en 2-3 saisons, lorsque l'équipe a frôlé la faillite, en 2018, 2019, etc., bah, vous détruisez le travail de 10-15 ans. En 2-3 saisons, vous prenez 10-15 ans de retard. Et Williams se retrouve dans cette situation-là. Donc, ouais, ils vont manger leur pain noir, mais à la fin, ils auront une boulangerie. Voilà. Il y a un gros projet quand même qui se bâtit autour d'Albon quand même, donc c'est quand même peut-être plutôt la news, voilà, effectivement, qu'il faut finalement. Ah, il y a une vraie bromance, hein, entre Vols et Albon. Donc là, parce que c'était toi, parce que c'était lui, parce que c'était vraiment. Attention aux espoirs déçus. Voilà, et surtout, ouais, grosse pression maintenant sur Logan Sargeant aussi, qui a été clairement mis à pointer du doigt par James Vols. Voilà, c'est la conversation franche et directe. Il faut avoir, ils l'ont eu, donc ben voilà, c'est entre guillemets, il y a quelques semaines, entre guillemets, où ça va se jouer. Maintenant, on sait très bien que, voilà, est-ce que c'est quelques semaines, c'est pouvoir sauver son baquet jusqu'à la fin de la saison, au moins. On sait très bien qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Maintenant, est-ce que c'est pour ne pas se faire remplacer par Antonelli dès que celui-ci aura une super licence FIA, soit avant ses 18 ans, soit à Monza quand il aura 18 ans. Pour aider Mercedes peut-être si du coup Antonelli passerait chez Mercedes en 2025. Voilà, on sait très bien, voilà, on l'a dit un petit peu avant, c'est que voilà, Bottas à 95% c'est fait avec Williams. Ça pourrait c'est être pas, un c'est peu, pas encore signé, mais ça devrait pas tarder à l'être normalement. On sait très rapidement. Ouais. Mais de toute façon, après c'est aussi ce qui montre que Williams c'est quand même vise comment dire, ne s'affole pas quand il y a des week-ends moins bien et tout ça, parce que eux, c'est aussi un projet d'avenir. Ils ont réussi à faire le plus. Je pense que c'était l'objectif le plus cher pour Vols, qui était de verrouiller Albon. Ça, c'était quand même parce que Albon, encore une fois, c'est un excellent pilote. Et je pense que c'est un très très bon leader pour Williams. Mais s'il a réussi à verrouiller Albon, c'est aussi parce que Vols est un excellent leader d'équipe et a su donner la confiance à Albon que ça irait mieux à l'avenir. Et je pense que. Bah, ça s'est passé aussi par une communication plus franche, y compris celle qui concerne aussi le deuxième pilote, qui est de dire, voilà, aujourd'hui, tout ce qui ne va pas dans l'équipe, on va l'éliminer de manière progressive, et ça implique malheureusement pour Sargeant de le remplacer. Et je pense que la confiance est de plus en plus bonne au sein de l'équipe, même si bah, tout ne se fait pas, on sait qu'en Formule 1, tout ne se fait pas du jour au lendemain, et encore une fois, comme tu disais, c'est une équipe qui était au fond du gouffre il y a 5 ans de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, c'est une équipe qui était incapable d'amener des voitures prêtes aux essais hivernaux et qui arrivait aux essais hivernaux avec 4 jours et demi de retard. Là, aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui joue dans le peloton, qui joue de temps en temps des points, de temps en temps des top 10 en tout cas. Les points, ça va venir. Et puis, qui joue qui joue proche du top 10 et qui depuis 2 ans arrive à faire mieux. Donc c'est pas, voilà, il y a des hauts et des bas comme les équipes comme Steak, comme Alpine malheureusement, comme Haas, mais voilà, après je pense que pour eux c'est pas en piste que tout se joue chaque week-end, ils jouent pas, ça se joue pas au présent mais plutôt au futur, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Bah, je pense que après, bah, c'est l'équipe qui veut profiter aussi des potentielles opportunités qui arriveront pour faire des gros résultats, parce que malgré tout, des week-ends compliqués peuvent arriver pour les grandes équipes et ce sera à eux de jouer, de battre leurs cartes au bon moment, un peu comme l'a fait RBF1 quand ils ont pu avoir des bonnes perfs, mais RBF1 a un petit cran d'avance. Peut-être dès ce week-end à Monaco, du coup, puisqu'on arrive quand même sur une des courses qui, potentiellement, est la plus pénible à regarder pour nous, mais aussi potentiellement la plus... compliqué pour les équipes, et donc avoir des opportunités avec une météo compliquée, etc. L'an dernier, on avait eu de la pluie, là, il y a 2 ans aussi. L'an dernier, malgré la pluie, les pilotes avaient été excellents, il n'y avait pas eu de gros abandons ou de grosses sorties. Mais tout peut quand même se produire, surtout sur la qualif. Si la qualif est sous la pluie, ça peut amener des grilles de départ un petit peu mélangées. Donc ce sera... Soyez devant votre télé pour les qualifs, et puis n'oubliez pas votre coussin pour le dimanche. C'est ça, c'est un peu l'idée. Alors, on revient sur des horaires de nouveau, des horaires de classiques, hein, parce qu'on sait que depuis plusieurs années maintenant, Monaco n'a plus ses essais libres le jeudi. Donc journée média jeudi, journée d'essais libres vendredi, essais libres et qualifs samedi à des horaires vraiment classiques. C'est 13h30 les essais libres 1 vendredi, ça doit être 17h. Comment ? Ah pardon, je pensais que tu parlais des essais libres après. Non, ouais, c'est 17h les essais libres 2, midi et demi les essais libres 3, 13h les qualifs et 15h la course. Donc voilà, Ce sera à suivre, évidemment. Nous, comme d'habitude, on vous apportera toutes les informations venant du paddock, toutes les réactions des équipes vendredi, samedi et dimanche, et même lundi, puisque souvent on garde un petit peu des réactions pour lundi aussi sur les bilans que font les patrons des équipes. Donc soyez avec nous, encore une fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouvera aussi potentiellement d'ici là pour des découvertes de F1 24, puisque le jeu, les previews en tout cas, arrivent. Et donc on va pouvoir vous faire découvrir un petit peu ça. Alors ça, c'est pour les gens qui aiment les jeux vidéo, mais en tout cas c'est les jeux officiels de la F1, donc nous on s'est dit, comme on fait le test chaque année, qu'on pourrait aussi profiter d'avoir une plateforme Twitch pour vous faire découvrir un petit peu les choses en vidéo. Suivez les réseaux sociaux pour savoir exactement quand. Normalement ce sera potentiellement dès demain, puisqu'il y a la levée d'embargo. Oui, savoir que Manu, pendant qu'il couvrira le Grand Prix Monaco à travers les news sur NextGen, il disputera aussi les 24 heures. Les 24 heures de Monaco. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, les 24 heures de Monaco, quel enfer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais. Mais effectivement, Max Verstappen a aussi remporté les 24 heures du Nürburgring sur iRacing pendant son week-end de domination en Formule 1. Donc, bravo à lui pour les 5 heures de relais qu'il a fait au volant. Dans sa soirée. Et, voilà. et demandez-vous, vous, qu'avez-vous fait de votre week-end? Vous avez pris du repos, hein, c'est ça? Non, c'est vrai que Max Verstappen, là-dessus, c'est assez impressionnant. Non, Laurentin, la miniature de Rexy n'est même pas autour de moi, donc du coup, je ne peux pas la montrer, mais je remontrerai des photos si tu veux. Mais voilà, donc en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été là pour l'émission. On se retrouve mardi prochain aussi pour Grand Prix, hein, puisque nous, évidemment, on suit le calendrier. Donc on fera le débrief du Grand Prix de Monaco, qu'on espère de nouveau très animé. Et puis, en tout cas, avec pas mal de choses à dire sur des écarts serrés probablement. D'ici là, portez-vous bien. Merci Alex, merci Franck d'avoir été là, évidemment. Merci. Comme d'habitude. Merci à tout le monde. Du coup, on se retrouve mardi prochain pour le débrief. Ciao. Ciao, à bientôt. Au revoir.